Bien, je pense qu'on va donner la parole à notre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sur le frère qui devait parler, il vient. C'est pas ça. C'est pour le frère Lambert. Lambert. Il doit poser la première. Lambert. Oui, c'est bien. Il arrive. Mais avant ça, je vous pose une question. Et avant de l'introduire, merci, frère. Je vous pose une question. Suivez-moi très attentivement. Qu'est-ce que l'Église attend devant elle? Qu'est-ce que l'Église attend devant elle? Qu'est-ce qui est devant de nous? Quel est l'événement majeur? Le mariage entre Christ et l'Église. Vous êtes d'accord qu'il y a l'enlèvement devant nous? Oui. Mais là, on vous taxerait des pré-tribulationnistes. Vous savez ça? Vous dites que ce qui nous attend là maintenant devant nous, c'est l'enlèvement. Ça suppose que c'est après l'enlèvement qu'il doit avoir la grande tribulation. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, vous êtes les pré-tribulationnistes. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'il y aura l'enlèvement avant la grande tribulation. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens donc qui pensent que c'est après la tribulation, bien parmi les tribulations, qu'il y aura l'enlèvement. Et ils ont des versets bibliques pour cela. Souvenez-vous, les hérésies sortent de la Bible. Souvenez-vous toujours de ceci. Les hérésies doivent tirer les sources de la Bible. On prend un verset biblique, on construit tout autour des doctrines et puis on avance avec. Et quand une hérésie est sortie, ça ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur veut mettre fin. Ça va passer de mutation en mutation et autres, en prenant des différentes orientations, mais l'hérésie va continuer. D'accord? Donc, alors il y a d'autres personnes qui disent donc qu'on vit déjà la grande tribulation, que l'Église passe déjà par tribulation. Déjà, il y a déjà la tribulation. N'est-ce pas, mes chers? Ils ont des versets pour cela. Qui ici est sauvé? Et croit qu'il est sauvé. Si vous êtes sauvé, levez la main, je vais voir. Donc, vous tous, vous êtes sauvés. Oui. Baissez la main, je vais encore dire quelque chose. Il y a des gens qui disent que c'est à part les grandes tribulations, c'est jusqu'à ce que vous tenez que vous serez sauvés. Car il est écrit que tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il y a des versets, mais là, vous avez levé la main que vous êtes déjà sauvés. Alors qu'on n'a pas encore persévéré jusqu'à la fin. Donc il y a des versets pour tout dans la Bible. Celui qui boit l'alcool connaît exactement que le premier miracle de Jésus-Christ, c'était la transformation de l'eau en vin. Et tu ne peux pas le dire le contraire, ce n'est pas son premier miracle. C'est au point où même des bars sont écrits « premier miracle ». Il ne dit pas « premier miracle de Jésus ». Quand tu lis, tu comprends qu'il parle de Jean chapitre 2. N'est-ce pas, mes frères? Ils connaissent, quand vous voyez même un païen, quand il ne connaît pas, il dit que d'abord, il y a même la Bible, on a dit que ne fait que boire que de l'eau, la boire aux ailes du genre de vin. Il ne connaît pas le verset, il ne connaît pas qui a dit, ni pourquoi on disait. Il sait au moins qu'il y a un renseignement qu'on dit qu'il ne boit pas seulement l'eau. Parce qu'il sait ce que il faut qu'il se défende pour pouvoir boire. Me suivez? C'est ainsi donc de la polygamie. Quand il y aura polygamie, Salomon avait combien? Tu réponds quoi? David avait combien? 500. Abraham avait combien? 3 femmes. Dis-lui qu'il avance comme ça jusqu'au Nouveau Testament. Il ne traversera pas le Nouveau Testament. C'est là direct qu'il va se retrouver. Non mais attends, frère. J'arrive, je suis en train de parler. Je suis en train d'introduire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez à parler. Amen. Si on a pour ça, je suis venu pour vous. Ma femme est ici, donc on peut rester ici jusqu'à vous, quand vous voulez. Amen. Je veux dire, toute doctrine, tout ce que quelqu'un peut faire va démontrer. Le témoin de Jéhovah. Il dit que Dieu a dit, vous serez mes serviteurs, dit Jéhovah. Il traduit le tétragramme, il gâche le VH en Jéhovah. Et c'est là-bas, c'est écrit qu'il a dit, Jéhovah a dit que vous êtes mes témoins. Dans Ésaïe 43, verset 10. Tu dis le contraire, il dit, voilà ça dans la Bible. Malgré que ce soit dans la Bible, c'est parce que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit ça à eux. C'est n'est-ce pas? Il y a des gens qui croient comme celui-là qu'on n'a plus besoin du baptême. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, on n'a plus besoin du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'était pour les Juifs. Tu lis la Bible, c'est parce que ça dit. D'autres disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous ouvrez la Bible, la Bible ne parle pas de cela. Comprenez? L'autre dit qu'au ciel, c'est le canapé qui est au ciel. Un trône, mais c'est un canapé. Donc il y a une place où Dieu s'assoit. Le Fils s'assoit quelque part, le Saint-Esprit s'assoit quelque part. C'est toujours dans la Bible qu'ils prennent toujours ça. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il y a trois trônes au ciel. Et il dit donc que c'était le trône là, mais c'est le canapé. Comment tu vas lui dire le contraire? Parce qu'elle a grandi du trône là. Voilà. Alors, tous prennent de la Bible. Vous allez dans la Bible, c'est parce que ça dit. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi en clair? Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique de comprendre qu'il faut qu'on se méfie de ce qu'on entend. Il faut qu'on vérifie ce que ce qu'on dispense est la vérité. Il faut qu'on, lorsqu'on écoute, on accepte, qu'on accepte étant, comme étant la vérité venant de Dieu. Voici l'une des preuves pour montrer que vous avez des problèmes. Vous êtes quitté de lieu en lieu. Vous êtes dans un lieu parce que vous avez admis quelque chose. Vous êtes sorti de ce lieu parce que vous avez rejeté quelque chose. Vous êtes entré dans un autre lieu parce que vous avez admis quelque chose. Après, vous avez quitté parce que vous avez des problèmes. Et c'est ça qui me conduit ici en Côte d'Ivoire. Amen, amen. Il dit, et c'est ça qui me conduit ici en Côte d'Ivoire. Amen. Parlez maintenant, mon frère. J'arrive. La polygamie. Je crois que c'est toi qui as posé la question sur la polygamie, non? Mon frère, j'aimerais introduire. Oui. Vraiment, excuse-nous, hein. Tu t'es pas préparé. Si tu avais été mis au courant à temps, peut-être que tu aurais envoyé des documents. Mais vraiment, on te demande avec connaître du Seigneur. Il faut faire ce que tu peux faire. J'explique ce que tu dis. Parler en devant quoi? Voilà, voilà, ce que tu te prends comme bon. C'est pas nous autres, c'est pas toi. Nous avons su cela. Cela quoi? Est-ce que vous avez su quoi? C'est par lui que moi je suis que la polygamie était. Moi je crois aujourd'hui qu'un homme de Dieu peut se marier à plusieurs femmes. Oui, ok, ok. Donc c'est lui qui vous a amené cela. Voilà, bien que moi-même j'ai une seule femme et que je prends le terme ma femme. Oui. Voilà. Donc, tu l'introduis pour qu'il essaie d'expliquer cela, oui. Mon frère. Oui, mon frère. Je ne sais pas pourquoi il le prépare. Oui, il ne s'est pas préparé et puis il est venu. Voilà. Il est venu. Est-ce qu'il a besoin de se préparer pour cela? Non, je viens. Il est venu pour qu'on t'écoute. Oui. Ça, c'est venu de façon occasionnelle. Oui. Son intervention, il n'était pas programmé. Il n'était pas programmé, oui. Mais maintenant, on lui permet. C'est pas quelle consolation il lui donne. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui, justement. Il y a eu échange entre vous oui. sur ça, polygamie là. Oui. C'est ça que tu as dit. Il va si exposer. Tu veux, oui. Quand il va finir, tu vas exposer. Oui. C'est une proposition que tu lui as faite. Et il a accepté. Et il a accepté. Amen. Donc c'est tout. C'est tout. Quand tu as eu, quand on a une réunion, oui. il faut apprendre à écouter. Si tu veux pas l'écouter. Oui. Oui. C'est moi. Oui. J'ai dit au frère d'exposer, d'exposer. Ce n'est pas le frère. C'est frère Angaï qui devait exposer. Oui. Et moi, sachant que la polygamie, le problème de la polygamie vient de lui. Oui. Voilà pourquoi. Oui. Donc, de toute façon, n'était-je pas pour encore perdre le temps. Passons-lui la parole, il le fait. Je retire ma parole. Ok. Donc, c'est le vrai problème. Allons-y, frère. C'est chaud. Donc le frère est sur le point de nous exposer que bibliquement parlant, un chrétien peut être poli pour que tout le monde soit dans le même sujet. Oui. Notre Père Céleste, nous voulons encore une fois de plus te dire merci. Parce que tu es la clé de toutes choses. Père Céleste, je n'étais pas venu ici pour donner un message à quelqu'un. Mais puisque tu l'as voulu ainsi, Seigneur, je recommande cela à tes mains afin que toi-même tu me conduises. Ô Père de bonté, aussi je trouve les esprits des uns des autres pour vraiment la compréhension de ce message. Que l'honneur, la gloire te revienne au nom de Christ Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Pareil, il faudrait un peu parler à haute voix sur ceux qui sont dehors. Bon, il faut dire que. Comme. Le frère lui me l'a dit, je n'étais pas venu pour un message. Moi je suis venu, mon frère est venu du Cameroun, je suis venu l'écouter. Parce que on m'a dit, ah, c'est un frère, il a le même état que nous. En tout cas, Donc, je suis venu discuter avec toi. Mais puisque l'honneur m'a été donné de présenter ce message, je vais le faire. Mais avant de le faire, je vais brosser la nouvelle naissance. Parce que la manière dont il a expliqué, personnellement, je ne suis pas trop d'accord. Vous voyez. Donc, je jumelle la nouvelle naissance et la polygamie. Parce que dans son parler, il a dit que c'est vrai, c'est pas comme on appelle le Saint-Esprit que la nouvelle naissance se produit. Donc tu peux prêcher sur la dîme et Dieu peut saisir ce message pour produire la nouvelle naissance. Moi je ne crois pas ça. Moi non plus. Oui. Ou bien tu peux prêcher sur le mariage et Dieu peut saisir l'occasion pour produire la nouvelle naissance. Non, ça je ne crois pas ça. La nouvelle naissance a une base. Une base bien donnée. Voilà, c'est pourquoi on dit, après avoir entendu, comme on appelle l'évangile, la parole, la vérité, l'évangile de votre salut. Donc il y a un évangile pour le salut. Amen. Voilà, il y a un évangile pour le salut. Amen. Et c'est cet évangile qui suscite la nouvelle naissance. C'est ce que je crois. Bien, donc avant de parler de la nouvelle naissance, j'irai d'abord au commencement. C'est-à-dire dans le projet de Dieu. Dans Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Qui domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Et sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, pour le commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Aujourd'hui, certains disent que l'image de Dieu... il parle aux anges, et ainsi de suite. Mais en fait, l'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est Christ. On dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, au commencement, avant la création, Christ existait. Parce que, comme nous l'avons déjà vu ici, le Dieu, c'est-à-dire qui a créé l'univers, c'est pas ce Dieu esprit-là. Non, on dit Dieu est esprit, mais l'esprit ne peut pas créer. Donc le Dieu, qu'on appelle le Dieu tout-puissant, il ne peut pas créer. Donc pour créer là, il s'est fait un corps. Et dans lequel il s'est tenu pour pouvoir créer. C'est ce corps qu'on appelle le Fils de l'homme. Quelquefois on appelle l'ange l'éternel. Et c'est ce corps-là qui est venu à la naissance ici, que nous avons appelé Jésus. Donc, Jésus existait avant sa naissance. Vous voyez. Donc Jésus est le corps dans lequel Dieu s'est tenu pour créer. Vous voyez. Mais avant de créer, il dit créer l'homme à notre image. Mais en fait, Dieu, si on doit être créé à son image, ça veut dire qu'on doit aussi avoir la vie éternelle. Parce que Dieu est éternel. Donc, c'est pourquoi, tout juste, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin. Donc, tu prends Genèse 2, 8. Genèse 2, 8. Oui. Il est écrit. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Oui. Les arbres de toute espèce. De toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir et à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, au milieu du jardin, Dieu a placé deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc ces deux arbres-là, ils étaient différents de tous les autres arbres. Pourquoi Dieu a placé les deux arbres? D'abord, nous allons voir la nature de ces deux arbres. Parce que Dieu n'a pas placé ces deux arbres pour au hasard. Donc prends Genèse 2, 17. 16, 17. Il est écrit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien. Donc il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que l'homme que Dieu avait créé était encore mortel. Oui. Donc comme il était mortel, alors s'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va mourir. Ça veut dire qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était une simple créature. Donc cette créature était mortelle. S'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour avoir la vie éternelle, il lui fallait consommer obligatoirement l'arbre de la vie. Et en consommant l'arbre de la vie, ça le ferait de lui un fils de Dieu, à l'image de Dieu. Vous voyez, en ce moment, il allait accomplir le passage, l'homme créé à l'image de Dieu. Mais il n'était pas arrivé à ce stade lorsque quelque chose va se terminer. Donc pour voir la nature de l'arbre de la vie, nous allons prendre Genèse 3, 20 jusqu'à 20. Le verset combien ? 20. 20. Jusqu'à 20. Il est écrit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Bon, lis au verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Empêchons-le maintenant. D'avancer sa main, d'avancer de prendre l'arbre de vie, oui, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire que l'homme, même après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il venait manger l'arbre de la vie, il allait vivre éternellement. Donc la vie éternelle se trouvait dans cet arbre. Donc nous pouvons dire avec respect que cette vie, cette arbre, c'était Dieu lui-même. Jésus-Christ. Parce que c'est vrai. Ouais. Donc, en mangeant l'arbre, l'homme deviendrait un fils de Dieu, c'est-à-dire un enfant de Dieu, et il allait vivre éternellement. Donc il allait passer par une nouvelle naissance. Frère, pardon, avant, parce que si tu continues, n'est-ce pas, et il peut y avoir des accumulations de questions, au point où on va s'appeler. Je vais poser pour relancer. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà fait selon son image, ou bien l'homme devait manger cette arbre avant d'être l'image de Dieu. Il devait être, pour être totalement à l'image de Dieu, il devait prendre donc, la vie. Donc Dieu l'a fait pas totalement à son image. Non. Le verset 27 du chapitre 1 dit quoi? Allons-y, le verset 27 du chapitre 1. Le verset 27 lis à haute voix, s'il te plaît. Oui. Oui. L'Éternel créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que vous dites là? Bon, il a créé à l'image, ça dit que il a créé l'homme, homme et femelle. C'est-à-dire Dieu, il est homme et femelle. Pardon, je vais vous laisser. Chaque verset de cette Bible-là, je les connais. Oh ouais. Chaque passage, de cette Bible, à la virgule près, je les connais. Oh ouais. La Bible dit de façon spécifique que Dieu a créé l'homme à son image, oui ou non? Il a créé l'homme à son image. Mais l'homme devait manger l'arbre pour être maintenant l'image de Dieu, ou bien il était déjà son image? Il était, c'est-à-dire... C'était un processus qui devait s'engager pour être totalement à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le verset, nous dit que Dieu a créé l'homme pas totalement à son image. Ou bien, quand Dieu l'a créé, il était déjà à son image. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je vais dire ceci, n'est-ce pas? Vous avez lu deux passages. Je vous suis seulement. Je vous suis. Dieu crée l'homme à son image. Tu as d'abord défini que l'image dont tu parles, c'est Jésus. C'est le Christ, n'est-ce pas? Et vous avez, tu as dit que dès le départ, je laisse le fait que tu as dit que Dieu, esprit, ne peut pas créer. Et la Bible nous déclare que c'est par son esprit qu'il a tout créé, par son souffle. Et tu dis qu'il s'est fait un corps. Il a fait le corps en entrant à l'intérieur, en créant. C'est Dieu qui est tout puissant. Et tu dis qu'il ne peut pas créer. Donc je laisse tout cela. Mais la Bible dit ici qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Puis la Bible dit de façon spécifique qu'il a créé l'image selon sa ressemblance. Et là tu dis qu'il fallait un processus. Quel processus? D'où est-ce que tu tires ça donc? Bon, puisque Dieu est esprit. Oui. Dieu est éternel. Oui. Or Adam, créé à l'image de Dieu n'est pas éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Adam créé à l'image de Dieu n'est pas éternel. Oui. C'est-à-dire, de forme, en tout cas, de chair, il était à l'image de Dieu. Oui. Mais il n'avait pas encore la vie éternelle. Oui. Bon, je crois qu'il veut arranger la chose. Tu es un bibliste, n'est-ce pas? Oui. Dieu a créé l'homme. Quand il a créé à l'image de Dieu, cet homme était une chair ou un esprit? Non, laisse-le répondre. Il sait de quoi il s'en est parlé, il veut l'amener quelque part. Quand la Bible déclare, c'est Genèse chapitre 1, oui, verset 26-27, quand la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image, il parle de l'homme esprit ou bien l'homme animal? Il parle de l'homme esprit. Ok. Est-ce que cet homme pouvait pécher? Cet homme-là, esprit, pouvait pécher? Il ne pouvait pas pécher. Donc, ça veut dire qu'il était comment donc? Ok, maintenant, on se tourne maintenant. À qui est-ce qu'il dit tu ne mangeras pas le jour, tu mangeras, tu mourras? C'est l'homme esprit ou bien l'homme de chair? Non, oui, il faut le laisser répondre. Nous partageons. Il faut qu'il réponde. Non, c'est bon. C'est bon. En fait, j'ai entendu la voix, il faut que c'était lui qui avait répondu. Il faut que ce soit lui qui réponde. Suivez très attentivement ce que nous avons dit aujourd'hui. D'accord? C'est en écoutant comme ça que vous et moi, on va savoir où il y a la vérité. Si je le laisse développer au fur et à mesure qu'il y a des situations, je laisse, ça va accumuler. Après, je vais oublier là où il y a des questions qui peuvent nous résoudre. Donc, c'est mieux qu'on stoppe. Il répond en avance parce qu'il voit là où il y a erreur. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors maintenant, il a d'abord répondu que quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à son ressemblance, c'est l'homme esprit. J'ai posé la question, est-ce que cet homme esprit pouvait pécher? Il a dit non. Et c'est biblique, l'homme esprit ne peut pas pécher. Alors je pose la question, Genèse chapitre 2 où il t'a avancé. Il a dit, puis Dieu a placé dans, au milieu du jardin ces deux arbres-là, la nature. Il veut développer. Puis il dit, Dieu donna cet ordre à l'homme. À l'homme qu'il a donné, c'est l'homme esprit ou bien l'homme animal qui l'a fait. L'homme animal. Non, laisse-le répondre. On a dit laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Oui, oui. Non, je veux qu'il réponde la question. Lorsque Dieu se donne cet ordre, c'est parce que, je veux tout attendre, parce que c'est avec ces conjectures qui l'amènent à dire que ça veut dire que l'homme n'avait pas la vie éternelle. Non, frère. Oui. Dieu a certains frères. C'est pas lui qui se pose. Oui. Donc chaque question qu'il veut poser, c'est à lui qui pose la question de façon spécifique. D'accord? Alors, quand dans ce Genèse chapitre 2, verset 16-17, quand Dieu donne l'ordre, il veut qu'il nous réponde. À l'homme esprit, Dieu parle ou bien c'est à l'homme animal? Ici, Dieu parle à l'homme esprit et animal. Voilà. Alors, laquelle partie de l'homme n'avait pas l'image de Dieu? Laquelle partie? Laquelle partie? Oui, j'ai posé la question d'abord, est-ce que l'homme esprit pouvait pécher? Tu as dit non, non? Oui. Donc ça veut dire que c'est l'homme charnel qui pouvait pécher. Donc c'est quand Dieu a pris l'homme esprit, mettre dans la chair que l'homme pouvait pécher, donc la chair était un handicap, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est à cause de la chair que le Fils de Dieu est lui-même venu dans une chair semblable au nôtre pour nous racheter. Amen. Donc c'était à l'homme naturel que Dieu parlait, pas à l'homme esprit. Amen. Donc l'homme esprit n'avait pas de problème avec Dieu. Amen. Continue le développement. Bien, donc je disais bien que avant qu'il n'ait la vie éternelle, il lui fallait consommer l'arbre de la vie. Ça, c'est l'homme charnel. C'est l'homme charnel. Je ne comprends pas. Affaire de l'homme charnel ou de l'homme. Il y a un problème dans Genèse. Je crois que, à moins que peut-être je dise, il y a un problème dans Genèse. Il y a deux styles d'hommes dont Genèse en a parlé. Dieu a créé l'homme à son image, puis il l'a fait. Il l'a fait. Créer et faire, c'est deux choses. Création, voilà, je sais. Donc, il a créé l'homme à son image, puis la Bible déclare, puis l'homme, il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. D'abord, il a créé l'homme et il a fait l'homme. C'est deux choses différentes. Genèse chapitre 1 parle de la création de l'homme esprit. Et puis il l'a amené dans la chair. Il a soufflé dans ses narines. C'est l'homme animal là-bas. Donc c'est là maintenant qu'il a commencé à faire être l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est de ça dont je suis en train de parler. C'est l'être humain. Ça veut dire. Oui. Les petits détails que tu. Non, non, ces petits détails sont importants. C'est très important. Parce que c'est dans ces petits détails qu'on oublie les doctrines se construisent et égale les gens. C'est dans ces détails que les doctrines se construisent et détaillent les gens. Si Dieu n'a pas mis l'homme dans la chair humaine, il ne péchera jamais. C'est à la chair justement, parce que la Bible déclare que la chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas passer, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'homme esprit, parce que dans l'homme intérieur, on aime le commandement de Dieu. On souhaiterait volontiers obéir au commandement de Dieu, mais on trouve à l'extérieur cette chair, ce qui nous crée le problème. Donc c'est la chair qui est le problème. Donc je veux donc que sur cette base, quand il veut exposer, qu'il nous dit clairement de qui il en est de parler. Si c'est l'homme créé son image, parce que dans son développement, il a dit que l'homme n'était pas totalement, il fallait manger cette arbre-là pour être à l'image de Dieu, pour être fils. Or, ce n'est pas biblique ce qu'il a dit. On ne fallait pas manger l'arbre de la connaissance pour être semblable à Dieu. Jamais. Vous voyez? Parce qu'on était créé semblable à lui. C'est la réconciliation vis-à-vis du péché qu'on a fait dans la chair qui a fait que Dieu lui-même vient dans une chair humaine, lui esprit, pour nous racheter de cette chair, pour nous retourner à la forme initiale. C'est ce que la Bible enseigne là, c'est le résumé de la Bible. Vous voyez? Avancez, frère. Donc, si l'homme, après avoir mangé, comme on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il revenait manger l'arbre de la vie, il allait vivre éternellement. Oh. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et de vivre éternellement. Il faudrait racheter en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme avait mangé directement l'arbre de la vie, sans connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme aurait la vie éternelle. Il n'aurait jamais eu de problème même pour commencer. Il n'aurait jamais eu de problème, c'est ça. Ouais. Il aurait la vie éternelle. Et comme il aurait la vie éternelle, tous les enfants qu'il allait procréer seraient éternels. La naissance viendrait donc de la naissance naturelle. Voilà. De façon naturelle. Et vous voyez que quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Dieu prononçait cette phrase au moment où Adam n'avait pas encore péché. Vous voyez, il dit l'homme quittera son père, sa mère, sa carrière, sa femme. Cette femme-là, il le trouve où pour s'attacher à lui. Ça veut dire que tu nais avec ta femme et tu grandis avec elle. Au moment donné, tu prends ta femme pour t'accompagner votre foyer. C'est-à-dire, je veux dire que selon ce premier plan de Dieu, les gens allaient venir jumeaux. a dit chacun vient avec sa femme comme... Venant d'où? Venant d'où avec sa femme? Quand tu dis venant, naissant là, il venait venant d'où? C'est-à-dire qu'ils sortent d'où? Non, selon le système que Dieu a conçu. Non, non, je veux qu'il nous explique bien. Quand il dit venant, parce que moi, je suis ma femme dans une autre. Ils allaient naître. Oui. D'Adam et Ève. Oui. Mais en venant. Donc, mal femme, et là, chacun prend sa femme. Voilà. Oui, ok. Grandissant sa femme. Il faut qu'il parle. Il quitte. C'est comme ça que les choses allaient faire. Oui. Dans ce système-là, on ne peut pas parler de divorce. On va parler de polygamie. Oui. Parce que chacun met avec sa femme, à un certain moment, vous grandissez à peu près votre foyer. Oui. Ça, c'est l'alliance du commencement. Oui. Et pendant cette alliance-là, l'homme et la femme étaient égaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dominant et de dominé. Vous voyez? Oui. Les deux étaient... Ça, c'est avant le péché. Ça, c'est avant le péché. Oui. C'est de cela que William parlait au commencement. Il n'en était pas ainsi. Le commencement-là. Il n'avait pas péché. Non, c'est Jésus qui a parlé, c'est dans Matthieu chapitre 19. C'est Jésus, mais William a parlé de ça. Oui, Jésus a parlé du commencement. Oui. William parle du commencement. Voilà, ouais, mais ce commencement-là, c'est Genèse 1 à 2. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a bien dit que le Créateur est ici. En ce moment, c'était la monogamie. Mm-hmm. Oui. Chacun vient avec sa femme. Et il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas de choses. C'est comme ça que les choses. C'est pourquoi Dieu, en créant l'homme, il a donné à l'homme deux testicules pour engendrer les deux semences, c'est-à-dire femme et garçon. Donc, dans le terme de l'homme, il y a X, Y. Bon, vous créez? Non, c'est nécessaire. Mais ça a été dit, c'est écrit. C'est son acolyte, peut-être il veut vous la dire quelque chose. Non, ce n'est pas, je n'ai pas dit que c'est les choses. Je calme quoi. Je n'ai dit que d'aller un peu plus vite par rapport à... Dans les testicules des hommes, donne le sexe des filles, donne le sexe de l'homme. Donc, Dieu a fait des révélations. Les trucs X, Y, là, c'est pas pour donner les deux. Y, ça c'est l'homme et la femme en même temps. Et au niveau de la femme, il a donné deux ovaires pour accueillir les deux enfants. Il a donné deux seins pour nourrir les deux enfants. Tout ça, c'est pas au hasard que Dieu a mis. Oui. Ça, c'est selon le premier plan de Dieu. Oui. Vous voyez? Oui, oui. Mais depuis que il y a eu la chute, oui. Vous voyez, depuis qu'il y a eu la chute, alors, le premier plan de Dieu a été dérangé. Au lieu que l'homme vienne avec sa femme, on a vu Caïn et Abel. Du coup, les deux étaient un garçon, ne peuvent pas se marier. Donc le plan de Dieu a été perturbé. Ouais. Donc c'est le péché qui a amené l'homme à être les enfants à sortir plutôt homme, ou bien c'est Dieu qui est le créateur qui c'est fait que les hommes viennent. C'est le péché qui a perturbé le système de reproduction de la femme. Donc normalement, si on était dans la perfection, chaque fois quand la femme va accoucher, elle va accoucher homme, femme. C'est ça. Voilà. Donc quand une femme accouche trois enfants aujourd'hui, cinq en même coup, c'est le problème du péché. C'est le problème du péché. Avançons dans la démonstration. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Nous voyons que l'homme qui fera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand on se marie là, on a l'impression que c'est la femme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à son homme. Donc, cette parole-là, c'est un peu dérangé. Or, c'est en principe l'homme qui quitte et puis qui s'attache à sa femme. Ouais. Mais le péché est venu tout déranger. Donc, quand on parle du mariage, il faut, comme on appelle, faire la différence. Il y a le mariage au commencement, le mariage après le commencement et le mariage... Sous la grâce. Non. Je dis bien le mariage au commencement. Oui. Le mariage après le commencement. Donc à la chute. Et le mariage dans le monde à venir. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous sommes avant la chute là, n'est-ce pas? Avant la chute. Oui, il y a un style. Il y avait une alliance que Dieu a signée avec les hommes. Oui. Après la chute, il y a une façon. Il y a une autre alliance. Oui. Oui. Quand la loi vient. Quand la mort vient. Quand la loi. Interpellation. Oui. Lambert, tranquillise-toi. Tranquillise-toi, tu as mis deux fers. Mm-hmm. Je vais d'abord intervenir sur la nouvelle naissance et puis je vais venir sur la polygamie. Actuellement, tu parles de polygamie. Oui. Mariage. Est-ce que tu as fini la nouvelle? Mais elle a fini. Non, non, non, il n'a pas fini. Il a touché l'arbre et puis il l'a quitté. Ah non, non. Il a touché l'arbre. Il n'a pas fini. Moi, je le suis. Non, il n'a pas fini. Parce que là, comme ça, là, le but de Dieu, il y a une autre inspiration. Parce que j'ai une question à lui poser là. Il n'a pas fini. Moi, je ne suis pas dogmatique. Allez-y. Allons-y. C'est son inspiration. Il n'a même pas fini. Vous avez pour suivre les gens, les ne sont pas identiques. Je vais aller. Fini la nouvelle. C'est depuis le jardin d'Éden que l'homme a perdu la vie éternelle. Vous voyez, il a perdu la vie éternelle et en même temps Dieu dit chassons le jardin. Il ne l'avait pas même pour la perdre. Donc il a été chassé du jardin qui constituait le royaume de Dieu et il a perdu l'arbre de la vie. Donc aujourd'hui, le problème de l'homme réside en deux choses. Ça parle de chercher premièrement le royaume des, le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données en plus. Donc aujourd'hui, notre problème consiste en deux choses. C'est-à-dire avoir la vie éternelle et puis le royaume de Dieu. Voilà les deux choses. Et Jésus, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Du coup, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Ensuite, si nous, je prends le même verset et Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, je comprends que la nouvelle naissance et la volonté de Dieu sont même chose. C'est-à-dire, entrer dans le royaume des cieux, c'est naître de nouveau. Faire la volonté de Dieu, c'est naître de nouveau. Vous voyez. Non, non, là, celui-là, je pose la question. Oui. Jean-Baptiste est-il dans le royaume de Dieu? Jean-Baptiste? Non. Était-il né de nouveau? Non. Donc Jean-Baptiste ne sera pas dans le royaume de Dieu? Ça, c'est une question qu'on va débattre après. Oui. Bon, là, sur ce, non, non, je sais pourquoi il pose la question. Jean-Baptiste sera dans le royaume des cieux. Est-ce que tu vois? Mais est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que tu as dit. Mais au moment où Jean-Baptiste est né, là, il n'est pas né de nouveau. Non, mais attends, est-ce qu'à un moment donné de sa vie, il était né de nouveau? Parce que tu as dit, si Jésus a dit dans Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas entrer. Et tu comprends que ça, c'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu est née de nouveau, c'est la même chose. Est-ce que Jean-Baptiste, lui, il est dans le royaume de Dieu? Tu as dit oui. Est-il né de nouveau? Non. Alors il y a un problème. C'est pour te dire quoi? Que Jean-Baptiste... Donc certaines personnes peuvent entrer sans naître de nouveau? Non. Comment est-il entré alors? Oui. Jean-Baptiste entrera dans le royaume des cieux. Oui. Mais dans l'instant où Jésus était venu là, Jean-Baptiste n'était pas encore dans le royaume. Oui, mais je pose la question. Il entre donc comment? Mais à quel moment est-il entré? Pour le moment, ce n'est pas le départ. Non, non, nous sommes dans le même sujet. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes dans le même sujet. Le problème, c'est de savoir comment entrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Parce que tu as dit tout à l'heure là que, en connaissant ce qu'il dit sur la nouvelle. De tous ceux qui sont nés de la femme, il, sait, oui, oui. Il n'en est pas de plus grand que Jean. Oui. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Donc il est quand même à l'intérieur. Non, non, il n'a pas dit qu'il est exclu. Il a dit qu'il est dans le royaume, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais ah, donc deux choses l'une, soit tu nous réponds. De deux choses l'une, soit tu nous réponds que Jean-Baptiste ne peut pas se retrouver dans le royaume des cieux d'abord. Il n'était pas dans le royaume. Non, non, est-ce que à l'instant où nous parlons, est-ce que Jean-Baptiste se trouve dans le royaume? Mais à l'instant où nous parlons, c'est autre chose. Non, mais est-ce qu'il sera là-dedans? C'est ça qui me semble. Parce il qu'en fait, sera dedans. Ok, comment est-il entré? Parce qu'on entre par la nouvelle naissance. Dans ces cas, tu nous dis où Jean-Baptiste est né de nous, de nouveau. Non, ce n'est pas comment est-il entré, comment va-t-il. Comment va-t-il entrer, oui. Allons-y, mon frère, développe. Comment il va entrer? Oui. Il va rentrer par la réception de la vie éternelle. Comment? Donc ça veut dire qu'alors qu'il est mort, il va encore recevoir la vie éternelle? Oui. Comment ça? Regarde, Abraham. Suivez très attentivement, c'est important pour vous, c'est vrai. Les Abraham. Oui. Les Isaac. Oui. Tous ceux qui ont cru. Oui. Quand ils avaient la vie éternelle. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Oui. La vie éternelle, c'est le Christ. Donc ça veut dire qu'on peut entrer sans naître de nouveau, en croyant tout simplement à Christ. Ça ne peut pas y aller de m'écouter. Oui. Il ne faut pas me faire pas des questions. Oui. Quand je vais finir, non, c'est pour que tu avances bien dans tes développements. Oui, moi, je reste. Parce qu'au moment, tu as fait des rêves. Moi, je suis assez tranquille. Je ne t'ai pas fait. Non, non, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il y a une répétition? J'avance seulement. Ok, ok, ok. J'ai seulement dit que plus tu développes, parce que tu as dit que tu vas prendre trois sujets pour développer. Non. Regarde, il a dit qu'il va jumeler les deux. Si on laisse, il développe comme ça, il y aura plusieurs questions qu'il a décémées partout. Mais qui vont prendre. il va laisser plus de questions. Tu vois? Parce que c'est pour ça que quand il dit, il corrige, il fait comme ça pour que tu essaies d'arranger, tu nous expliques bien. Mais je suis en train d'exprimer, pour moi, je suis en train d'exprimer la nouvelle naissance. Mais c'est de ça, la nouvelle naissance qui est concernant ici par rapport à Jean-Baptiste. Voilà. Oui. Alors, ça, mais est-ce que je viens de dire? Oui. Ok, donc explique-nous avec Jean-Baptiste et puis avance alors, mon frère. Donc, j'ai dit, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui, comme on appelle. Appelle Seigneur, Seigneur. Appelle Seigneur, Seigneur qui entreront, mais celui-là, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Oui. En ce jour-là, beaucoup me disent, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles ainsi de suite. Jésus l'a dit, je ne lui ai jamais connu. Résidence de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, à Nicodème, il dit, si quelqu'un ne n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, je peux comprendre que entrer dans le royaume des cieux et faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire, ça ne se résume à une seule chose. C'est-à-dire, la nouvelle vie. Oui. Voilà. Donc, si entrer dans le royaume des cieux, c'est faire la volonté de Dieu, ou entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître de nouveau, alors comment faire la volonté de Dieu et comment naître de nouveau? Voilà. Quelle est cette volonté? Voyez, comme voilà, toi-même tu l'as dit à certains, quand on prêche, on dit viens donner ta vie à Jésus, et puis on prie pour lui, et puis on dit non, tu es né de nouveau, c'est pas ça. Vous voyez, que certains disent non, moi je suis parti. Jésus m'a guéri, à cause de ça je me fais baptiser. Ça, c'est pas ça. Ou bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que, comme on appelle la doctrine de toi, des offrandes ou bien de la dîme, c'est vrai, il se fait baptiser, c'est pas ça. Vous voyez. Donc, la volonté de Dieu, elle est claire dans la Bible. Quand on prend Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, la volonté de Dieu, c'est tout simple. Voir le Fils et croire en lui. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance. Voilà. Il peut poser maintenant la question. Maintenant. Oui. Non, frère, tu ne poses pas la question, laisse-le finir. Non, ok. Non, enfin, il est arrivé exactement au résumé de la question. Il faut le laisser poser la question. Donc, la volonté de Dieu se résume en deux choses. Voir le Fils et croire en lui. Oui. Maintenant, qu'est-ce que voir? Qu'est-ce que croire? Oui. Voilà. Donc, le Christ, la parole de Dieu, lui-même s'interprète. Oui. Si nous prenons Jean 8, 24, il dit, si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, pour ne pas mourir dans tes péchés, il faut connaître l'identité de qui est Jésus. Voilà. C'est cette identité qui sauve. Ouais. Et quelque part, dans Jean 17, 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu, en fait, c'est de voir le Fils et de croire en lui. Et voir le Fils, c'est connaître qui est le vrai Dieu et connaître qui est le Fils. Si tu as connu ces deux et que tu as cru, la Bible dit que tu as la vie éternelle et c'est ça qui amène la nouvelle espèce. Ok. Et puis maintenant? Maintenant, qui est le Fils? Qui est le Père? Voilà. Par exemple, il faut connaître les deux. On a vu par exemple la veuve née. La veuve née, Jésus l'a guérie. Et Jésus l'a guérie. Alors, les gens lui ont demandé, mais qui a guéri votre fils? Il dit non, mais c'est un homme qu'on appelle Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Après, bon, on l'appelait encore, on dit, mais est-ce que tu crois que ce Jésus-là, c'est un homme de Dieu? Il dit, ah, je ne sais pas, mais je sais que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Après, on lui demande encore, il dit, mais je crois que c'est un prophète, et c'est dessus. Jusqu'à là, il ne le connaissait pas. Jusqu'à ce que, finalement, les Juifs, les pharisiens qui l'avaient posé question, le chasse de l'église. Parce que finalement, ils ont trouvé qu'il est en train de vouloir prêcher la parole de Dieu. Et il le considère comme un toucheur. Et quand il a été renvoyé de l'église, Jésus s'est présenté à lui. Il dit, mais crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais où est-il pour te dire? Je crois en lui. Il dit, celui qui te parle, Père. Il s'est proclamé. Là, il est sauvé là-bas. Il est sauvé. Oh. Vous voyez? Donc, comme on appelle la vie éternelle, c'est voir le Fils et croire en lui, comme je l'ai dit. Maintenant, qui est le Fils, comme on le dit? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans plusieurs églises, on prêche Jésus, Fils de Jésus, mais Jésus, Fils de Dieu, il est qui? C'est ça qu'il faut connaître. Voilà. Le Dieu véritable, il est qui? Donc, il faut que la personne qui reçoit l'évangile connaisse qui est Jésus, qui est le Dieu véritable. Voilà. Et c'est par là que maintenant, il faut la mener à comprendre que les deux sont la même chose. Amen. Voilà. selon, comme on l'appelle, 1 Jean 5, hein, qui dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Voilà, on dit, Dieu, nous avons, comme on l'appelle, Dieu a donné, nous a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve dans le Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Donc, la vie éternelle, c'est recevoir le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean 1, il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, au verset 14, dit, cette parole est devenue chère. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez. Maintenant, au verset chose 11 et 12, il dit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui ont cru à cette parole devenue chère, à ce Dieu devenu chère, qui croient véritablement en lui, alors, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cela qu'on appelle enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont saisi réellement l'essence du Fils de Dieu, qui est Jésus. C'est cela, quand ils croient réellement, alors, comme on appelle, ils deviennent enfants de Dieu. C'est pourquoi, chose, l'autre, l'eunuque éthiopien, quand, comme on appelle, Philippe l'a prêché, il a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, crois de tout ton cœur à quoi? Peut-être jusqu'alors, le message était flou, mais il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on comprend qu'il a lui expliqué que Jésus était le Fils de Dieu. Donc quand il a cru à ça, il a dit ça y est. Et les deux sont descendus dans l'eau et il a commencé à le baptiser. Donc c'est recevoir vraiment l'identité de Christ en tant que tel et croire à ça de façon ferme. C'est ça qui donne la nouvelle naissance. Ok. Maintenant, je vais poser la question. Maintenant, la question que je vais poser, oui, pourquoi je te... Ma question, c'est deux volets et c'est sur deux personnages. Oui. Revenons sur Jean-Baptiste. Tu as dit que c'est croire en qui Jésus est. Nous voyons dans la Bible comment Jean-Baptiste est mort en étant incrédule même par rapport à ce même Jésus. Au point où Jésus lui-même dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ma question donc demeure, Jean-Baptiste est-il dans le royaume de Dieu? Si oui, comment est-il entré d'après l'explication que tu as absolue? La deuxième chose, c'est quand est-ce que l'apôtre Paul était né de nouveau? L'apôtre, je commence par la dernière question. L'apôtre Paul est né de nouveau lorsqu'il a rencontré, comme on l'appelle, Jésus. Seigneur Jésus. La route de Damas. Voilà, est-ce que dans ce seul route-là, il y a ce mécanisme que tu as expliqué de la nouvelle naissance? Oui. Expliquez-nous donc, d'après la Bible, ce qu'il a vu. Pourquoi? Et comment... Voilà, lorsqu'il a rencontré la colonne de feu, oui. Pour un juif fervent, il sait que la colonne de feu, ça représente Dieu lui-même. Est-ce que tu vois ça? Ça représente Dieu lui-même. Donc, c'est pourquoi il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Oui. Et je dois, qui es-tu Adonai? Mm-hmm. De la traduction, oui. Qui es-tu Adonai? Oui. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Donc à travers ce message, il a compris que ce Jésus qu'il est en train de persécuter, c'est son Dieu Adonai. Oui. Donc ça veut dire que le simple fait que l'apôtre Paul a compris que Jésus qui est dans le soleil là est Dieu, ça a fait qu'il naisse de nouveau. Automatiquement. Donc il ne faut pas connaître l'identité des fils. C'est pas l'identité des fils qu'il faut connaître finalement. Oui. Mais l'identité des fils, c'est la même chose que Dieu. Et Jésus, sur la terre, a rencontré les démoniaques qui croyaient exactement qui il était, le Fils du Dieu très haut. Mais il n'était pas comme né de nouveau. Mais cela. Il y a un problème. Cela. Non, oui. Les questions ne sont pas bêtes. Oui. Je pose la question tout simplement pour glisser. Je ne dis pas que tu es bête. Oui, oui, oui. Oui. Oui. Les questions là. Oui. C'est des questions directes. Oui. Mais il faut tenir le passage. Parce que si c'est le fait que Jésus-Christ, l'apôtre Paul, est découvert et la révélation que Jésus est Dieu. Oui. Acte 9, oui. Qui se suit de la nouvelle naissance. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. N'est-ce pas? Il y a problème. Oui. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit. Ah, je pense parce qu'il sait qu'il y a un problème par rapport à ce qu'il explique. Tu es allé en deuxième fois pour dire donc tu n'es plus fils. Oui. Tu n'as plus une question de fils. Absolument. Et je te suis. Mm-hmm. Et puis lui aussi, je le suis. Oui. Je suis le voilà. Donc, d'après son explication, avec l'explication, absolument, il faut que le Seigneur soit élevé. D'après son explication, si c'est comme ça qu'on a né de nouveau en expliquant toutes ces explications-ci, je prends le cœur de l'apôtre Paul, ça ne marche pas avec l'apôtre Paul. Vous voyez, ça ne marche pas avec l'apôtre Paul. Ça ne marche pas avec le brigand sur la croix. Avec le brigand sur la croix, parce qu'il entre dans le royaume avec le Seigneur ce jour-là. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il peut en prendre comme ça 40 dans la Bible. Il a pris le cas des Jean, chapitre 9, où pour l'aveugle à qui Jésus a dit que je suis lui qui lui parle. dans Jean, dans Luc chapitre 17, il y a 10 personnes qui sont guéries de la lèpre. Un rentre et Jésus dit que ne sais-tu trouver que c'est pour venir rendre gloire à Dieu. Il dit va, ta foi t'a sauvé. Celui-ci a été sauvé. Qu'est-ce qu'il a reconnu en Jésus-Christ comme étant Dieu ou bien le Fils pour être sauvé là-bas? Vous voyez que ça ne marche pas toujours avec son explication. Vous voyez, à d'autres personnes, les gens croient en voyant tout ça un miracle sans qu'ils n'aient entendu quoi que ce soit. Vous voyez, ça comprend l'identité, l'explication. C'est pas l'explication. Oui? C'est pas l'explication qui amène la nouvelle naissance. Parce que la Bible déclare, et on a vu ça partout, que la nouvelle naissance, elle vient par la volonté de Dieu par le monde. Vous voyez cela? Et c'est un don. C'est un don de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quelqu'un ne fait pas ça. En expliquant ça, c'est pour ça qu'il est sur le passage des démoniaques. Parce que les démoniaques connaissaient mieux qui était Jésus. Quand ils le voyaient au milieu des gens, ils disaient que tu es le fils du Dieu très haut. Ils le confessaient. Je voudrais quand même te poser une question. Oui. Bon, toi, comment tu fais pour évangéliser quelqu'un? Et je sens de le faire comme ça, par exemple. Non, je ne comprends pas. Si moi, quelqu'un, il n'y a pas évangélisé. Non, tu dis quoi? Tu m'appelles. Si tu me parles, par exemple, de la dîme. Non, dis pas. Derrière nous, oui. Je suis en train de expliquer. Oui. Je suis en train de. Oui. Mais je vais expliquer. Oui. Les besoins. D'abord, suis. Vous allez me comprendre. Oui. Laissez-moi. Oui, parle, frère. Oui, laissez-moi. Oui, parle, frère. Vous savez. Oui. Il n'y a pas de mécanisme d'évangélisation. Il n'y a pas de mécanisme d'évangélisation dans la Bible. Il n'y en a pas. Vous allez comprendre. Moi, je fais droit, je fais la justice. Oui. Il y a un acte qu'on appelle flagrant délit. Oui. C'est-à-dire quand on commet les infractions, là. Oui. Le vol, on peut te prendre en flagrant délit. Ça va sur le plat. Voilà, sur le champ. J'ai un ami qui est magistrat. Oui. Il enseigne à l'université. Oui. Il y a un professeur d'université qui enseigne le droit, oui. C'est-à-dire la théorie. Oui. Et un jour, il demande à mon ami magistrat, il dit, mais... J'enseigne le flagrant délit, tout ça, je connais. Mais concrètement, comment ça se concrètement, passe? Oui. Explique-moi, toi qui es magistrat, comment ça se passe? Dans la pratique. Quels sont les cas de flagrant délit? Quelles sont les conditions matérielles de flagrant délit? C'est différent de la théorie. La théorie. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je transpose pas ici. Oui. Le mécanisme qu'il vient de dire, oui. Effectivement, c'est ça qui fait la nouvelle naissance. Oui. Mais, quand tu vas prêcher, oui. Tu prêches toujours à partir d'un événement. Oui. Ça veut dire que voilà, un événement qui attire chacun. Il y en a, c'est le miracle qui les attire. Oui. Il y en a, c'est ta façon même d'être. Oui. Ton attitude. Oui. Tu es trop sobre. Oui. Tu es trop bien. Vraiment, ça doit être un enfant de Dieu. Oui. Donc, dans un premier temps, oui. Il y a l'acte matériel qui attire l'individu vers la personne. Oui. Et puis maintenant, toi, tu connais la nouvelle naissance. Oui. Tu vois que c'est le miracle. Ou mieux tu connais le message. Le message. Oui. Tu vois que c'est le miracle qui l'a attiré vers toi. Oui. C'est pas ça qui sauve. Oui. Mais c'est par ce miracle-là que Dieu va passer. Tu vois, non? Pour le sauver. Pour le sauver. Oui. Et quand il va venir, tu vas lui expliquer la nouvelle naissance. Je n'ai jamais vu un pasteur qui, avant de baptiser quelqu'un, oui. ne lui explique pas ce mécanisme oui. hein, dont oui. le frère vient de parler. Oui. Donc quand le frère dit. Par la simple dîme, oui. par le comportement, oui. puisque vous êtes la lumière du monde, oui. vous pouvez attirer. Justement. Ce n'est pas en prêchant forcément la nouvelle naissance à quelqu'un qui va croire. Encore qu'aucun apôtre n'a jamais prêché la nouvelle naissance à quelqu'un. Il peut revenir à cause d'un événement et puis tu lui prêches maintenant la nouvelle naissance, il croit et puis on sera le baptiser. Oui. Donc, c'est comme ça que je comprends. Voilà pourquoi moi, les histoires de fils de Dieu et autres, je dis c'est littéral. Oui. Prenons la nouvelle naissance comme quelque chose que Dieu nous donne. Oui. C'est dans le cœur que oui. ça se passe, dans, oui. dans l'être. Oui. Moi, quand les gens sont venus à leur deuxième baptême, troisième baptême, je dis moi, ce que... Non. Je n'ai pas de recevoir. Je dis ce que moi j'ai reçu. Quand on me baptise. Tu n'as pas dit de parler de ce que tu as reçu. C'est lui qui est sauve. Quand on me baptise, je ne peux pas recevoir ça avec quelqu'un d'autre. Donc, je garde mon baptême tel quel. Je continue avec Dieu. Pour dire que le message de Dieu, on le reçoit. Ce n'est pas quelqu'un qui donne. Oui. C'est Dieu. C'est-à-dire quand il te parle, et puis il te donne. Alors, donc expliquer les choses, non, c'est comme ça, c'est non, pas. Donc pour répondre à ses frères, il a posé la question, donc comment est-ce que l'on évangélise? Quand on pose des questions, le frère. Oui. Lui, moi, il pose des questions, il a bien des questions. C'est pour dire que je suis d'accord avec toi. Oui. À partir de n'importe quoi même, oui. on peut oui. obtenir la. Non. On peut... C'est pas ça. C'est le début de la prédication. On peut arriver. À la nouvelle naissance. Je ne dis pas non, vous voyez. Par exemple. Non, tu as semblé dire ça contre. C'est parce qu'en annonçant la dîme à quelqu'un, tu as dit ça. En quoi la dîme? Pourtant, dans la Bible, on ne voit pas une prédication stéréotypée où chacun apporte à annoncer ça. Vous voyez? N'est-ce pas, mon frère? Tu comprends ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas une évangélisation. L'apôtre Pierre qui l'a approché, l'âme d'apôtre, la prédication qu'il a faite, qui a fait naître les gens, le nouveau est différent de ce qu'on connaît. C'est différent de chapitre 8 et de tous les autres. Toujours la qui va revenir, même dans la Bible. Le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans ce cas, il pose la question, d'où ma question. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a écouté pour être sauvé? L'apôtre Paul, il a écouté quoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas dans la loi juive le salut par le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a écouté? D'abord, écoutez. Oui. On dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Oui. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Oui, le Fils de Dieu vivant. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en ce nom. Amen. Oui. Donc, en fait, quand par exemple, on t'envoie vendre une marchandise. Oui. Et puis on te donne une sonnette. Oui. La sonnette, tu fais du bruit. Tu fais du bruit, tu appelles les gens. En fait, c'est pas la sonnette qui fait qu'on va payer ton truc, hein. Oui. C'est la présentation de ton produit. Oui. Qui va faire que les gens vont prendre. Oui. Donc, en fait, les miracles, oui, que l'on fait, qui peut se produire pendant l'évangélisation, a pour but d'attirer les gens. C'est ce qu'on a dit, tout le monde est d'accord. Mais il faut que la personne qui saisit, oui, il faut qu'il sache que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant l'est. D'où ma question spécifique. Je crois que nous tous ici, nous sommes d'accord que j'ai dit ici que le message central qui concerne pour la nouvelle naissance, il s'agit de Christ. Oui. Mais le problème du mécanisme qui dit qu'il faut nécessairement que les gens comprennent ça, il y a un problème. Parce que l'apôtre Paul, d'où ma question, l'apôtre Paul a écouté quoi concernant le Fils de Dieu pour être défaut. C'est ce qu'il compte comme question. Attends, pardon. Hein. Oui. Depuis frère, vous êtes deux. Oui. Elle fait miracle. Toi, tu as la bonne nouvelle. Oui. Ils vont suivre celui qui fait miracle. La question qu'il pose là, oui, est très importante. Qu'est-ce que tu diras? Paul. Est-ce, oui, la prophétie Fils de Dieu? Oui. C'est ça, il faut. À la rencontre là, c'est dans Acte 9. Il traite de son allié. Oui. Tu peux sauver la France pour répondre à ça. Attends, Yari. Non, c'est pas ça, Yari. Il a parlé de Pierre. Yari, non, Yari. Pourquoi tu arrives bien? Yari, bien. Il dit que Pierre, comment non, appelle, Paul, oui. Paul n'a pas prêché, mais... Non, pas prêché, je parle de lui-même, en tant que maître de nouveau. Voilà. Comment est-ce qu'il est né de nouveau, selon ce mécanisme? Maintenant, je vais t'expliquer un peu. Oui. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Paul a reconnu qu'il s'agissait du Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, qui est devenu Jésus-Christ. Il dit, je suis Jésus. Oui, Paul, c'est ce qu'il a compris. Voilà. Où est le fils là-dedans? Où est le mécanisme de fils? La question est bien. Où est le mécanisme des fils dans ça? Il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Attends, mais les démons, eux, ils savent ça. Uh-huh. C'est vrai aussi. La Bible déclare que les démons... Yari, Yari, Yari, Yari. Oui. Est-ce que les démons savent que Jésus est Dieu? Les démons, oui, mais c'est quand même terrible. Mais ça teste le premier à savoir. Ils savent que Jésus est Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu. Non, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Non. Il y a un problème. Non. Fils de Dieu, qui a-t-il entre toi et nous, est-il venu ici pour nous juger avant le temps? Qui avait jugé les démons? Et ils savaient que c'était Dieu. Non, mais attends, mon cher, attends, frère. Frère, attendez. Finalement, le mécanisme, c'est de croire que Jésus est Dieu ou bien que le Fils de Dieu. Voilà, c'est ça le problème. Finalement, c'est que Jésus est Dieu. Attends, ça pose problème. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, ça ne se trouve pas en Dieu, mais dans son Fils. Celui qui a la vie, il a cité ça. Et la Bible déclare chaque démon qui a connu Jésus, on disait clairement que tu es le Fils du Dieu vivant. Et même Satan, le premier confrontation avec Satan, il a dit que si tu es le fils de Dieu, ce que je veux te faire voir, oui, c'est que la nouvelle naissance, tout le monde fait, c'est une révélation. Comment ça? Non, c'est clair dans la Bible. Frère, oui, mon frère. Et les sept filles de Séba. Oui. Je dis, et les sept filles de Séba, dans l'acte là, oui, qui disaient sur un possédé. Oui. Qui disaient sur un possédé au nom de Jésus que Paul prêche. Paul prêche. Mais le démon à l'intérieur leur a dit que je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Le démon vient de la différence, hein. Oui. Je connais Jésus. Et je sais. Il y a besoin de connaître et savoir. Oui. Donc il faut faire attention. Non, j'y arrive. Ce que tu ne connais pas là, oui, c'est que tu ne sais pas que ces démons ne savent pas, n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Non, mais c'est mais pas est-ce ça. Est-ce que c'est Jésus est Dieu qui est le salut? C'est ça le problème. Oui, tu ne sais pas que la connaissance de Jésus qui est Dieu. Quand Jésus s'est présenté à cet homme dont il a parlé dans Acte chapitre 9, il a dit que je suis le fils que tu parles, il n'a pas dit je suis Dieu. Et il a bien expliqué ça, que c'est le fait qu'il a cru au fils, qu'il a été sauvé. Mais dans Actes chapitre 8, le premier, oui. Un juif sait que quand on parle de fils de Dieu, si tu veux, tu peux prendre Esaïe. Oui. Un juif sait que quand tu parles de fils de Dieu, tu parles de Dieu. Absolument, je suis d'accord. Un juif sait ça. Donc ça veut dire finalement, c'est croire que Jésus est Dieu ou bien croire qu'il est fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a pas le problème qui est là. Si tu sais, que Dieu, possible. Si tu crois que Jésus est Dieu, oui. Non, la Bible déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois, tu le fais bien, le démon aussi croit et il tremble. Voilà. Mais quand il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, est-ce qu'il avait dit que c'est Jésus qui est Dieu? Ne te pose la question. Le nom, le démon, tu dis le démon. Parce que c'est démon, c'est démon, c'est démon. On dit, c'est démon, c'est démon. On dit à Jésus Christ face à face. Je sais qui tu es le fils du Dieu très haut. Très bien, il est le fils de Dieu. Est-ce que le démon accepte que Jésus est Dieu? Non, le démon n'accepte pas ça. Est-ce que c'est quoi que Jésus est Dieu qui fait qu'on naisse de nouveau? C'est un fait dévorant. Oui. On ne peut pas le croire et puis avoir la vie. C'est pas ça, c'est pour ça que la vie se trouve dans le fils, pas dans Dieu. Tout à fait. Ça c'est clair, c'est que la Bible établit dans la Bible. Voilà. Mon problème se situe à ce niveau. Sa démonstration de l'obtention de la nouvelle naissance. Il faut qu'on soit bien clair. Oui. S'il y a un mécanisme que vous allez vous arranger sur la terre pour que quelqu'un naisse de nouveau, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce qu'il a établi dans sa Bible que la nouvelle naissance, c'est lui ce qui détient le mécanisme. Parce que nous voyons des cas dans la Bible où les gens ont été convertis sans qu'on ait prêché. L'apôtre Paul a reçu donc quel message? L'apôtre Paul, lui, il a reçu quel? Oui. Tu sais? Qui a véhiculé le message à l'apôtre Paul pour qu'il se naisse de nouveau? J'en viens. Oui. Est-ce que le brigand, on l'a évangélisé? Non. Très bien. Il y a des cas particuliers que Dieu. Ça, oui, il y a des cas particuliers. Vous pouvez comprendre? Dans ce cas. Il y a des cas particuliers. Oui. Mais lorsque quelqu'un s'en va à une évangélisation, il y a un évangile Paul. Ça veut dire qu'il y a un style d'évangélisation qu'il faut donner pour que les gens naissent de nouveau. Donc ça veut dire que d'après votre volonté, vous avez une volonté de donc amener pour que les gens naissent de nouveau. Vous savez qu'en prêchant ça, les gens vont naître de nouveau. Est-ce que quand vous lisez Actes des Apôtres, la façon que les apôtres ont prêché, c'est ce style-là que vous prêchez? Vous me suivez, il dit, ce n'est pas. D'après ce que tu en as dit, malgré qu'il y ait le cas des brigands, le cas de l'apôtre Paul, vous dites qu'il y a un style d'évangélisation qui va aller. Il a vu. Avec une vision, fait qu'on naisse de nouveau alors maintenant. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Il a vu qui? Il a vu Dieu. Dieu. On peut voir Dieu? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il voit et croit là? Ça veut dire quoi? Il a vu que c'est Dieu qui était entré, qui était là. Mais si tu vois Jésus, Dieu là. Satan voit la face de Dieu chaque fois. Ça ne fait pas de lui un nez de nouveau. Ne tournons pas le débat. Je t'en ai dit ceci, n'est-ce pas? Oui. Prenez à un mois pour avec ça. Galates. On a qu'à lire Galates. Galates chapitre 1, verset 11 à 16. Voilà, c'est ça. Tout à fait. La réponse, la question qu'il a posée. Quand il pose la question, il sait de quoi il s'en est parlé. C'est chaud aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est chaud. Galates. Mais dis que toi, par exemple, quelqu'un. Un peu de silence dans la salle. Galates 1, 11 à 16. Un peu de silence. Faut lire ça avec autre. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme, oui. Car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ. Oui. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, oui. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé sa grâce de révéler en moi son fils, voilà, afin que je l'annonce parmi les païens. De révéler en moi son fils. Donc Paul a eu la révélation du fils. Fils. Oui, justement. Arrête-moi ça. Je viens. Après avoir lu ce passage. Oui. Mes questions sont légitimes. Et je sais que tu poses des questions. La question est une pose depuis. La réponse est tout là-bas. Oui. Mais peut-être qu'il voulait que lui vienne là-bas, oui, pour donner la réponse. Donc l'apôtre Paul, sur la route de Damas, a eu la révélation du Fils. Voilà. Dont il est question dans Jean 6, 40 là. Oui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Il n'a pas vu le Fils en Dieu. Absolument. C'est un fait dévorant. Oui. Si on voit, Dieu, on est brûlé. Oui. Mais il a vu le Fils en la vie éternelle. Oui. C'est ça qui est dans Galates 1. Oui. Et la révélation du Fils qu'il m'a apporté, pourquoi je l'annonce aux païens. Au païen. Donc on n'annonce pas la révélation du Fils aux chrétiens. Oui. Mais on annonce ça aux païens. Voilà, c'est ça l'évangélisation. C'est là que je voulais venir. Je peux avancer maintenant. Tu as suivi la réponse à la question, n'est-ce pas? Voilà. La deuxième phase de cette question, c'est que qui a annoncé la parole à Paul pour qu'il ait cette révélation? Ça, c'est la deuxième phase de cette question-ci. Et puis maintenant, la plus copieuse maintenant, c'est le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est-il dans le royaume? Puisque nous voyons clairement dans la Bible comment étant dans, dans le cachot. On avait affaire. Je vais répondre à cette question. Oui. Mais la fille me posait la question. Oui, vas-y. Il a posé plusieurs fois. Voilà. Vas-y alors. Tu vas me répondre. Est-ce qu'on dit Abraham est dans le royaume? Oui. Alors, si Abraham, quand Jésus est mort, oui. Quand Jésus était ressuscité, oui. Tu sais que la Bible dit quoi? Qu'il est monté avec. Est-ce qu'Abraham a été évangélisé? Oui. Abraham a été. Il a reçu la parole. C'est même le premier croyant. Très bien. Oui. Est-ce que Joseph a été évangélisé? Oui. Alors, mais pourquoi tu doutes pour Jean-Baptiste? Non, je n'ai pas douté. Pourquoi, pourquoi pas douté. Non, je pose la question parce que c'est légitime. Oui. Nous sommes au temps où le Fils est venu manifester. Et quiconque voit le Fils et croit à la vie éternelle. Oui. Mais est-ce que Jean-Baptiste a écouté le message de Jésus-Christ? Suivez attentivement. Non, attends, réponds-moi d'abord. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Non, mais depuis la carte, tu me réponds d'abord. Non, non. En fait, si tu m'avais suivi. Tu me suis d'abord dit tic au temps et puis on avance. Oui, oui, vas-y, alors, on dit tic. Est-ce que Jean-Baptiste a reçu le message de Jésus? Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quel message Jésus a reçu? Jean-Baptiste a reconnu que ce monsieur qui vient. Attends, non seulement il a reçu le message de Jésus, il prêchait même le même message. Dans votre livre, dans Marc au chapitre 1, la Bible déclare que dès ce moment, Jean-Baptiste est allé dans l'église prêcher la repentance et le royaume en annonçant même que quelqu'un vient. Quand Jésus a été baptisé, verset 14 dit que à cet instant, Jésus a commencé à prêcher le même message que Jean-Baptiste prêchait. Il repentait-vous car le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est ce qu'il prêchait. Alors là, j'ai répondu à ta question. Ouais, réponds ma question. Mais Jean-Baptiste, est-ce que Jean-Baptiste, la Bible dit quoi? Dans le royaume des cieux, Jean-Baptiste est. Plus petit. Le plus petit est plus grand que lui. Plus petit. Oui. Non, pas le plus petit. Le plus petit est plus grand que lui. Pardon, le plus petit dans le royaume des cieux oui. Est plus petit que. Est plus grand que lui. Pardon, est plus grand que Jean-Baptiste. Oui. Ça, il faut me voir. Tu es d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. C'est ce que l'écriture dit. C'est ce que l'écriture dit. Tu es d'accord avec ce passage. Ça, c'est clair. Parce que c'est l'écriture. Donc, Jean-Baptiste a dit qu'au moment où Jésus était là, Jean-Baptiste n'avait pas encore la vie éternelle. Jean-Baptiste a eu la vie éternelle en même temps que quand Dieu ordonnait la vie éternelle aux gens comme les Abraham et autres. C'est à ce moment-là que Jean-Baptiste a eu la vie éternelle. Sur quelle base tu vas peut-être te dépouiller cela? Puisque Jean-Baptiste, si là-bas, je vais t'expliquer. Oui. D'abord, Jean-Baptiste ne fait pas partie de notre génération. Il ne parle pas de génération oui. Au sens du terme. De la grâce. Voilà, dans la génération de grâce. Oui. Et Jean-Baptiste, il est le dernier de l'autre lignée. Il est le messager entre la loi et la grâce. Voilà. Vas-y. Donc, dans sa condition, lorsque tous ceux qui montaient là, oui. Comme l'Abraham et autres là, oui. C'est en ce moment que Jean-Baptiste. Comment ils sont là ont eu la vie éternelle? C'est la résurrection de Jésus qui leur a octroyé la vie éternelle. C'est la résurrection de Jésus qui leur a octroyé la vie éternelle. Quand Jésus est monté, quand Jésus a ressuscité, c'est là, la Bible dit qu'il a eu avec cela. Frère, c'est là qu'ils ont eu la vie éternelle. Frère, au départ, n'avait pas la vie éternelle. Pourquoi il t'appelle et puis repose la question? Oui. Il a posé la question à l'orateur. Oui. Et Jean-Baptiste est-il dans le royaume des cieux? Oui ou non? Ça pose problème. C'est ça qui l'amène à reposer la question. L'orateur a est-ce déjà dit Jean-Baptiste n'est pas dans le royaume. Est-ce qu'il a dit que Jean-Baptiste n'est pas dans le royaume? Mais il a dit ça. Comment précis Jésus parlait, il n'était pas dans le royaume. Il a dit ça. Non mais attends. Au moment où il parlait, Jésus n'était pas dans le royaume. Quand il est mort, il est ressuscité là. Non mais j'ai dit qu'à l'heure où nous parlons maintenant, Jean-Baptiste, il est dans le royaume. D'où ma question, comment est-il entré? Parce que d'après ce qu'il a dit, c'est quiconque voit le fait et croit à la vie éternelle. Il a encore appelé ça la volonté de Dieu ou bien la nouvelle naissance. Est-ce que Jean-Baptiste y est entré par la nouvelle naissance? Attends, moi je voudrais quand même te poser une question. Oui. Bon. Donc depuis tu ne réponds pas, mais tu réponds. Me voici. Oui. Présente-moi ton l'évangile que tu peux me donner pour que j'aie la vie éternelle. Si tu n'as pas un païen. Tu n'as pas encore la vie éternelle, tu as levé la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Si elle rencontre un païen, je veux savoir ce que je vais lui dire. Ça là, je ne sais pas. Oui. Parce que j'ai pas d'évangile programmé pour donner un païen pour qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu sais que d'abord j'ai bien? Oui. Il y a cinq ministères. Je n'ai pas d'évangile. Tu es d'accord avec moi? Suis attentivement. Je n'ai pas d'évangile programmé pour donner aux païens pour qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Le message de Dieu est clair. On prêche pour que Dieu fait entrer dans son royaume ses enfants et proclame le jugement sur les autres. Donc c'est pas moi qui décide de prêcher. Oui. Donc, juste où tu es, tu n'as pas un message propre. Comment je vais avoir le message? Non, je n'ai pas préparé un message propre ici à l'entrée pour venir dire des choses. Non, je n'en ai pas, Frère, Olivier, oui. C'est le même petit verset, là. Oui. Acte 15. Mais c'est aujourd'hui au message, là. Oui. Lui, il met ici. Acte 15. Je ne sais pas si... Acte 15, verset 1, 3. Il faut lire ça rapidement. Bon, Jésus, c'est le fils de Dieu. Quelques hommes venant de la Judée. Attendez, enseignaient les frères en disant. Quelques hommes venant de la Judée enseignaient les frères en disant. Si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Arrête-toi un peu. Toi, tu viens de Cameroun. Oui. Quelques hommes venus de Judée. Oui. Non, ce n'est pas la même chose. Oui. Ça, c'est un parallèle. Oh, ok. Mm-hmm. Parce que tu es dedans. Oui. Tu viens du Cameroun, c'est ce que je veux dire. Absolument. Tu nous as enseigné ici oui. comment avoir le salut. Oui. Voilà. Tout ça, oui. c'est de ça, c'est ce parallèle que je veux faire. Oui. Sinon, je ne te jette pas la pierre. Absolument. Même si vous jetez, vous balancez. Quelques hommes venant de Judée enseignaient les frères en disant. Si vous ne vous faites pas circoncis selon la loi de Moïse, oui. vous ne pouvez être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé. Oui. On va continuer. Oui. Paul et Barnabas eurent avec eux une vive discussion. Oui. Et les frères décidèrent. Ils eurent avec eux une vive discussion. Voilà. Oui. Donc c'est qu'on fait là. C'est normal. Toi, tu es venu du Cameroun. Absolument. Nous, on est ici à Côte d'Ivoire. Absolument. Tu es venu, tu dis que. On peut même prêcher la dîme, les offrandes, oui. Bon, nous aussi, de notre côté, on n'est pas d'accord. Oui. Donc, ce qu'on fait là, c'est normal. C'est exactement dans la Bible. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et c'est pas du fétiche. Non, mais je pensais que tu voulais dire par rapport à ce qu'il m'a demandé que est-ce que je n'ai pas un style de message pour prêcher pour le païen. Je ne suis pas pour toi. Oui, je comprends. Je ne suis pas pour lui. Oui, je comprends. Voilà. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas. On arrive dans ce temps. Oui. Je crois que c'est fait pas comme. Donc ça n'a même pas encore les disputes, le tiraillement. À chaque fois quand vous ouvrez vos deux voies, ça amène les disputes. Ça va nous arranger. Oui. Ça va nous arranger comment? Quand tu étais à... Moi, je suis quelqu'un qui gâte. Quand tu parlais... Moi, je gâte. Comment ça va nous arranger? Quand tu prêchais à la pergola... Attends. Quand tu prêchais à la pergola... Oui. Quel était ton message qui faisait venir les gens? Non, c'est pas à lui, il faut poser la question. C'est à celui qui va demander. Non, laisse. Tu as dit quoi? Sortez de Babylone. Mon message? Oui. C'est ce que tu demandes? Oui, sortez de Babylone. Là, si je te donner la prologie de la prédication, voilà. Le lundi, je prêche sur l'église catholique. Ouais. Je demande les fortes doctrines de l'église catholique. Mais c'est dans votre assemblée. Oui, voilà. Il dit que... dans l'assemblée. Non, c'est à l'extérieur. Non, hein. Public. Voilà. Okay. Sur le terrain. Je dénonce les fortes doctrines de l'église catholique. Mais le but que vous prêchez, c'est pour que quoi? Moi, je viens. Oui. Le but pour lequel je prêche, ça y est au bout. Oui. Voilà, t'as dit pour annoncer la bonne écoute, nouvelle, le salut. Je dénonce, hein, la Bible dit que c'est l'église catholique qui est la grande prostituée. Oui. Donc, c'est sur la mer que je commence. Oui. Je dénonce cette fois doctrine à la place publique. Oui. Et je fais question-réponse. Oui, mais est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible qui dit qu'il faut programmer comme ça, la démarche? Non, la démarche, oui. On vous dites qu'on peut, quelqu'un peut être... On va poser une question là. Oui. Donc, le mardi là... Oui. Je tombe sur les églises évangéliques. Oui, les filles. Les filles de la prostituée. Des prostituées. Je demande la faute d'activité. Question réponse. Oui. On se sépare. Oui. Le troisième jour. Oui. Je viens sur l'islam et le christianisme. Les cousins. Parce que les musulmans prennent deux passages dans la Bible pour dire c'est Mohamed. Oui, Jean 14. Dans Deutéronome 18 et Jean 14. Et dans Jean 14. Oui. Pour dire que c'est le Saint-Esprit le consolateur. C'est le Saint-Esprit Jésus avait parlé le consolateur. Oui. Maintenant, le jeudi. Je parle de l'église du christianisme céleste. Je dénonce la fausse doctrine. Et question-réponse. Oui. Quand toutes ces églises où la population se trouve, oui. dans laquelle, dans leur doctrine, la population avait mis son cœur dedans, sa oui. foi, ça s'est effondré. Tout ça s'est détruit. Là. Mais tu te présentes maintenant. Ils se posent maintenant des questions. Homme frère, que ferons-nous faire pour être sauvé? Oui. C'est cela le vendredi. Je programme le message du salut. Exactement. Alors, ça veut dire que du lundi jusqu'à jeudi, personne n'est sauvé. C'est ça, mon cher. Vous voulez que je me regarde dans les yeux maintenant. Donc, ça veut dire, d'après ce qu'il a fait là, sa chronologie que lui il a fixée. Et ta Bible et ma Bible disent, personne n'est né sans avec la volonté d'un homme. C'est ni de la volonté. Donc, il veut que les gens soient sauvés. Il a préparé le jour du salut. Ouais, où ce jour-là, le salut sera au rendez-vous. Et il est là sur quel prochain message Dieu va faire dans le ciel, décider avec son programme qu'il a fait, n'est déjà le nouveau le vendredi. C'est pas biblique ça. C'est pas biblique. Tu ne peux pas montrer ça, mais c'est dans la Bible pour cela. D'accord, mon cher, vous ne pouvez pas mentionner le verset biblique. Il dit là, il n'a pas dit, Dieu lui a dit qu'il programme lundi pour telle chose, vendredi pour telle chose. Vous voyez, il a dit qu'il a fait son programme. Il dit donc, quand tout cela, donc, quand il a poussé cela à bout, où ils ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, vendredi, il prépare le salut. Donc, quand il va prêcher comme ça, quand il va prêcher comme ça, Dieu, parce que nous sommes d'accord que c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Donc, Dieu va faire son programme de salut en fonction de son programme. Attends, vous êtes d'accord que ça ne va pas, non? Attends. Ça ne va pas. Ça ne tient pas. N'essaie pas de tourner. Il n'y a pas un jour programmé pour le salut. D'accord? Le salut, même tel que toi. Maintenant, tu vois, maintenant, on a demandé le salut, c'est quoi? On comprend très bien que. Voilà pourquoi nous n'avons même pas expliqué. Quels sont vous les versets? Vous voyez que dans notre conversation, dans nos causeries, nous en comprenons, n'est-ce pas? Il a présenté aussi sa part. Il dit lundi, enfin, il a démontré. Donc, il programme le salut pour quand? Dieu dit dans la Bible que c'est pas la volonté d'un homme que les gens naissent. C'est l'homme qui. C'est la par révélation. C'est lui qui a programmé. C'est par révélation que. Il n'a jamais dit sur la révélation. Il ne sait pas de le soutenir. N'essaie pas de dire. Il a dit que voici ce qu'il a fait. Il a déjà fait. Il a fait le programme que lundi c'est catholique. Parce qu'il dit que. Tel jour. Non. Ça veut dire que lui-même il a montré. N'essaie pas de dédouaner. N'essaie pas de défendre ce que quelqu'un dit qui n'est pas biblique. Donc d'après ce qu'il dit, il pousse les gens à bout jusqu'à ce qu'un jour il les regroupe pour qu'il dise ouais. On va voir comment on peut être sauvé, il a les annonces le salut. Et quand il va annoncer le salut, il va être sûr donc que ces jours-là, les gens sont nés de nouveau. C'est pas biblique. Mais je. Bien, Yann. Oui. Regardez Nicodème. Oui. Jésus n'a pas prêché Nicodème. Il n'a pas prêché Nicodème. Jésus n'a rien dit à Nicodème. Nicodème a constaté certaines choses. Il a remarqué. Absolument. Ce n'est pas le salut, hein. C'est pas salut. Il n'a pas le salut. Oui. Il a remarqué certaines choses. Et il est venu. Il a discuté avec Christ. Oui. Il est rentré transformé. Qu'est-ce que je dois faire? Sans que personne n'a programmé un jour pour lui parler. On ne lui a pas parlé de lundi. Il y a beaucoup de choses extérieures qui l'ont attiré d'abord. C'est comme des gens, miracle peut attirer. Dieu peut passer par le miracle pour t'attirer. Maintenant, quand tu arrives, que tu écoutes sa parole, et que toi-même tu sais que si tu fais la même, tu vas voir le miracle. Mais le miracle, moi, ce n'est pas ça. C'est, voilà, mes frères, c'est pour cela que même le Seigneur Jésus, le frère a lu quelque chose. Il a lu aussi dans Jean 21, 31 que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. La nouvelle naissance, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y aura toutes les discussions. Il n'y a aucun miracle de Jésus dans la Bible, même pour la même maladie qu'il a fait de façon conventionnelle. Pour les aveugles, il n'a pas guéri de la même façon. Dieu est tellement grand qu'il peut utiliser les choses folles même pour confort, comme il le dit dans la Bible. Ça, c'est un. Ceci montre que il faut que chacun de nous, avant d'avancer, dire quelque chose de la parole de Dieu, qu'on ait rencontré Christ véritablement. Voilà. Je suis d'accord qu'on ait rencontré. Et qu'il nous ait. Non, c'est pas sur, c'est pas sur la vie éternelle. Non, je ne suis pas encore sur la vie éternelle. Parce que il a dit que parmi nous qui avons cru, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que nous savons comment on sera jugé plus sévèrement. Des gens nous écoutent. Et la preuve est que vous êtes quitté de lieu en lieu. Dieu, je ne suis pas allé dans un autre endroit, dans une date d'une nation. Je n'ai pas été embrouillé par comme ça. Mais je sais qui est qui. Parce que je sais ce qu'il m'a dit. Vous comprenez? Je suis en train de dire ceci. Lorsqu'on est infesté dans les différentes visites chez les prostituées et autres là-bas, vous montez, vous descendez, vous sortez avec les séquelles. Donc vous pouvez croire combattre le diable, vous êtes en plein avec lui. Parce que quand vous faites le programme. Je ne te comprends pas. Franchement, c'est pour ça qu'il veut parler en autre langage maintenant. Je suis en train de dire ceci. Si on, pour être enseignant de la Bible, il faut qu'on soit ordonné par Dieu à ce poste-là. Oui, justement. Ça veut dire que la connaissance que nous avons de l'ivresse ne suffit pas. Vous pouvez connaître quelque chose et l'enseigner mal. Et ou même connaître même vrai et Dieu ne nous a pas ordonné de prêcher. Parce qu'il faut qu'on fasse attention que nous prêchons comme ça pour que les gens soient édifiés. Malheur à nous maintenant si nous mettons plutôt une prière d'achèvement dans la vie des croyants. Des gens sont là, ils cherchent seulement le Seigneur Jésus. Ils restent sur les points seulement qui réunissent. À ce niveau-là, vous n'allez pas vous entendre, il y aura encore des divisions. Or, l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait point de division parmi vous, qu'on soit animés tous d'un même sentiment. Mais ça ne va pas, ça ne cadre. Ce que tu dis ne cadre pas avec le débat que nous sommes en train. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. Non, je te comprends. Non, vous ne m'avez pas compris. Nous sommes des faux enseignants. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Non. Sans le savoir. Non, je suis en train de dire ceci. Que le fait que. Non. Je ne m'adresse pas à toi. Ouais. C'est quelque chose. Je rencontre ça partout dans le monde entier où je vais. En Angleterre. Non, c'est pas là. Je suis sorti du débat. Non, je suis sorti du débat. Je suis en train de dire quelque chose pour le cas général. Je suis en train de dire que ce débat que nous faisons maintenant et que nous voyons donc qu'il y a derrière des pieds d'achèvement montre que chacun de nous, en tant qu'enseignant, doit faire attention. Il faut que chacun reconsidère sa position devant le Seigneur. Je m'inclus moi aussi. D'accord, je ne suis pas en train de t'indexer. Je suis en train de dire que c'est un type ici de table pour montrer qu'il y a un problème en milieu chrétien. Parce que les croyants, même quand ils discutaient dans Acte chapitre 16 là, ils sont sortis avec un consensus, avec une décision claire du Saint-Esprit. Alors je pose la question, comment le Saint-Esprit peut-il parler ici au milieu de nous maintenant? Vous allez écouter sa voix? Est-ce que le Saint-Esprit parle ici maintenant? Vous allez l'entendre parler. Il ne parle pas en grondant là-haut. Quand il jeûnait et il priait dans Antioche, en chapitre 13 là, il a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas. Comment il a parlé? Vous vous avez posé la question, comment il a parlé? C'est au point. Comment? C'est pas prophétie? C'est pas prophétie. Alors s'il parle ici, c'est pas prophétie, vous saurez? Je pose la question. Depuis que nous sommes ici, il a parlé au moins trois fois. Vous avez entendu? Ne nous fais pas croire des hallucinations. Alors, non, voilà, nous en sommes là maintenant. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire ceci. Il faut que nous, enseignants de la parole, on reconsidère notre position devant le Seigneur. Que chacun de nous rentre devant le Seigneur de la bonne façon pour qu'on ne dise pas ce que Dieu n'a pas dit ou ce que son parole n'enseigne pas. Parce que si nous ne faisons pas, nous serons exactement comme ces pharisiens-là qui mettent des pieds d'acheminement et empêchent les gens d'entrer et que nous n'y entrons pas. Il faut que nous faisons attention. D'accord. Nous sommes en plein débat. Bon, et puis, je comprends. Je dis, je vais hors du cadre du débat, je vais hors du cadre général. Oui. C'est lui qui m'a prêché puis je suis venu au Seigneur. Mais finalement, tu as dit que celui-ci avait dit comment pour la. C'est lui. Non. Ok, ça c'est la polygamie. Non. Je dis, c'est lui qui m'a parlé de Dieu. Oui. Mais regardez comment il m'a parlé de Dieu. Il m'a pas présenté. C'est qui dit là maintenant? Oui. Il est venu chez nous parce que mon père était son tuteur. Oui. C'est son attitude. Oui. Son comportement. Oui. C'est-à-dire on le provoque, il dit rien. Oui. On fait tout. Je ne savais pas qu'il l'avait. Il connaissait Dieu. Dieu. Il fait tout, on fait tout, rien. Oui. C'est là que je l'ai approché. Oui. Tu es comment, oui? Tu es que j'adore. C'est là qu'il m'a dit. Ah, bon, en fait, moi, je connais Dieu. Oui. Que voilà. Comment, voilà, oui. Mais quand il m'expliquait, il n'avait pas préparé le message spécial. Non. Tu vois que c'est son attitude qui l'a attiré. Qui m'a attiré. Oui. Et quand il m'a parlé, il m'a pas parlé de nouvelle naissance. Hein. Oui. Puisque moi-même, je croyais avoir la. Puisque moi, j'étais à l'église catholique. Oui. Je connaissais Jésus. Oui. On m'a parlé de lui aussi. Oui. J'ai même failli être un enfant de cœur. Oui. Mais au fur et à mesure, tu vois, non? Oui. C'est-à-dire que. Il me parlait, il m'expliquait avec des trucs, tout, hein, des passages bibliques et autres, l'histoire de Samson, Samson, les trucs, tout ça. Je parlais même avec Samson là-bas. Non, c'est un message, c'est pour dire qu'on peut passer. Non, je veux dire que donc il explique avec Samson. N'importe quel passage de la Bible, n'importe quel élément de la Bible, pour expliquer. Que quelqu'un vienne à Christ et maintenant on lui enseigne le message, tu vois, non, du salut pour qu'il soit. C'est-à-dire baptisé, sauvé en même temps. Donc en réalité, ça veut dire qu'il a fait cette étape-là, mais maintenant, voilà, là, il ne peut plus faire ça. De venir à Christ, là. On ne peut pas dire, non, il faut aller, tu prêches la nouvelle naissance et puis les gens viennent. Oui. Non, chacun a son chemin. Oui. C'est vrai que c'est... Mais l'entrée est de la même façon. C'est-à-dire que l'entrée est la même façon. Mais il y a beaucoup de façons de tirer. Tu comprends? Mais le plus, c'est quoi? Un mystique, tu ne peux pas l'influencer un miracle? Justement. Tu comprends? Il parle pas de méthode, il parle de message. Mais c'est le même message. Non, lui, il parle de message. Oui. Il dit, en fait, le message pour accéder à la nouvelle naissance, c'est de croire en Jésus en tant que fils de Dieu. Oui. Si tu crois que Jésus est fils de Dieu, là, c'est ça qui constitue le message, le contenu du message. Non. C'est qu'on doit prêcher, là. Il m'a posé la question que quand tu parles chez le païen, là, quel message tu peux prêcher? Donc, voilà. Il faut que j'ai un message qu'il n'est pas prêché. Pourtant, quand il allait vers lui, donc, il était un païen. C'est là maintenant, doucement, voilà. Il m'a parlé de la nouvelle naissance. Oui. Puis, je suis allé. Baptisé. Il m'a baptisé. Voilà. Et juste là, je suis là. Maintenant, peut-être entre temps, il a changé la façon de faire. Mais finalement, il t'a pas parlé de la nouvelle naissance. Oui. Mais c'est comme ça. Non, comme tu avais dit qu'il t'a pas parlé de la nouvelle naissance. Hein. Mais c'est après. Maintenant, ça, c'est après toi-même. C'est après que tu as eu la nouvelle naissance. Voilà. Tu sais à quelle époque. Voilà. Notre frère n'a pas fini comment il devait arriver à la polygamie. Donc la nouvelle naissance est claire qu'en réalité ça ne tient pas la route parce qu'on voit les uns et les autres des cas spécifiques dans la Bible. Voilà. Donc ce qu'on retient de l'écriture, c'est que c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Je suis formel. Donc je ne peux pas programmer quelqu'un va naître de nouveau vendredi. C'est Dieu qui fait naître. Parce que tu peux même lui parler de tout. Et puis si Dieu ne lui donne pas. La révélation. Voilà. Donc même si il parle de fils, même voilà. Clairement, c'est ce qu'il comprend. Si Dieu ne fait pas naître de nouveau, il ne tient pas de nouveau. Donc c'est Dieu qui donne. Voilà. Toi, franchement, quand tu l'as évangélisé, voilà. On peut évangéliser quelqu'un et puis la personne peut voilà. Avoir la vie éternelle. Voilà. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais néanmoins, il y a un mec. Il y a un mec. Je suis un bâtiment, je coupe et puis maintenant tu dis ça. Il y a moyen. Il y a un message d'évangélisation. Il y a un message d'évangélisation. Voilà. Oh, lui, il dit, il n'y a pas de message d'évangélisation. Ah, ma soeur, moi, il y a un message de toi, moi, je peux l'évangéliser. Quand tu dis pour évangéliser. Regardez, c'est pour ça que vous voyez, vous rejoignez ce que je viens de dire. Dans Romains chapitre 10 qu'on a lu aujourd'hui, il dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Parce que ces prédicateurs doivent venir annoncer la bonne nouvelle. Et un prédicateur n'a pas une bonne nouvelle qu'il a gardé quelque part qui veut annoncer telle bonne nouvelle. Parce qu'il partant n'importe où, le prédicateur envoie la bonne nouvelle de Christ. Quand Paul te dit que j'ai mon conseil, oui. Quand Paul te parle de conseil, de son conseil, qui ça? Qui? Paul dit qu'il a un conseil. Il a quel conseil? Il n'a pas le conseil. Il a dit annoncer tout le conseil de Dieu. Tout le conseil. Alors, c'est qu'il a un conseil. C'était, non, non, pas qu'il a un conseil. Il a annoncé tout le conseil. C'est-à-dire que la volonté de Dieu pour le peuple sur la terre, il l'a exprimé. C'est ce qu'il a dit. Mais il a un conseil. Il a le conseil. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation dont je vais parler. Connaître tout le conseil de Dieu. À Timothée que tu sais comment je prêche dans toutes les églises. Alors comment tu connais mon comment je marche? Oui. Où est le problème alors? Alors, Frédéric, il y a un message qu'on annonce. Je vais poser une question. Est-ce que le message de John Wesley, oui. Le message de Luther, oui. Le message de Colomba, oui. Le message de choses, oui. Est-ce que c'est le même message? Il faut qu'il réponde à lui qui va me répondre. Est-ce que Luther, c'est à lui qui a parlé du message. Moi, il dit ceci. Le prédicateur envoyé de Dieu. Jésus a dit quand ils seront debout n'importe où, vous prêchez. Il n'y a pas de prédication stéréotypée dans la Bible où l'apôtre Pierre commence à prêcher. Il prêche comme ça de la même façon chaque fois. C'est ce que j'allais dire. Quand il parle de n'importe quoi dans les circonstances, l'apôtre Paul, il est parti d'un Dieu inconnu pour annoncer Jésus. Où est l'espoir? D'accord, pour toi, ceux qui prêchent par exemple, ils ont un message qui sont préparés. Tous ceux qui prêchent, que tu prépares. Ceux qui ont préparé un message, quand on prépare un message, puis c'est pas le demain, on vient, c'est pas bon. Bon, frère. Mais c'est la Bible alors, mon frère. Oui, mon frère. Même si on s'attend pas sur la nouvelle naissance, oui. C'est pas grave. Oui, on avance. Chacun a reçu que je suis. Oui, oui. Chacun a reçu le deuxième événement. Est-ce que tu as vu la frère, non, on avance là sur le mariage, la polygamie. Polygamie. C'est pas la peine. Il a déjà exposé une fois. On va pas. Si quelqu'un veut exposer la polygamie, laisse-le. Non, il devait conclure. Il a avancé jusqu'à un niveau. Il devait conclure. C'est pas la peine. L'apôtre Paul dans ces actes-là a dû exposer la doctrine qui prêche parmi les païens. Il faut qu'il. Comme lui, il nous a laissé quelque chose là. Faut pas que. On se sépare comme ça sur oui, ça. Absolument. Il veut riposter, il faut qu'il riposte. Oui. Frère, tu ne prêches pas pour l'homme. Frère, continue dans ta démonstration, la polygamie. Donc, il est temps de démontrer. Il est temps de démontrer comment la polygamie est entrée et comment les chrétiens doivent se marier. Moi, Branham a prêché la polygamie. Oui. C'est fini. Pourquoi toi, moi, Agaï, Kourou, nous sommes là. Voilà. Ceux qui sont venus après nous trouver là, dans l'autre chose, ils vont subir. Faut pas, ils vont nous déranger. Oui. Continue. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Quand tu étais dans la salle au départ, oui. On la va jusqu'au Lambert. Bout. Lambert. C'est le deuxième élément. Lambert. Oui. C'est pas. C'est... Quelqu'un te parle comme tu vas continuer. Il est venu poursuivre. Lui, là, il a l'étoffe et les conseils suffisants pour poursuivre. Pourquoi? C'est pas toi qui dois dire de prêcher. Non, il s'est engagé à exposer. Lambert, si tu veux, sinon moi, si tu as ta place, moi. Mais pourquoi vous sinon, ce qu'on a fait là, ça nous sert beaucoup. Hein. Oui. En présentant la polygamie, on va voir, il a présenté la nouvelle naissance. On a vu là où il y avait les failles, ça a édifié tout le monde. Qui présente, j'ai d'abord expliqué la polygamie ici. Qui l'explique maintenant ce qu'il en fait, on va poser des questions. Allons-y, frère. Bon, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, on est bien ici pour échanger. Je disais que. Au niveau du mariage, pour le comprendre, il y a le mariage au commencement. Vous entendez là-bas, vous entendez? Le mariage au commencement, c'était la monogamie. Oui. En ce moment, il n'était pas question de mort. Chacun devait venir avec sa femme. Je crois qu'à telle fois, un peu plus, où tu as déjà. Les gens sont déjà épuisés. Où tu t'es déjà. Il y avait déjà. Laisse-le. Comment tu as dit, c'est vrai? Comment tu as déjà abonné. Est-ce que tu as déjà abonné quelque chose? Il faut qu'il commence par quelque chose pour s'inscrire. Mais il a déjà abonné ce côté. Qui a fait le démarche? C'est le démarche qu'il fait. Donc après le péché. Bonjour le silence. Après le péché, ça a dérangé tout le plan de Dieu. Au lieu que chacun vienne avec sa femme, souvent, c'est deux garçons qui viennent. Souvent, c'est un garçon, souvent, c'est une femme. Donc, le plan de Dieu qui dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est déjà brisé. C'est pour cela. Et maintenant, comme je l'ai dit au commencement, où il y était un et une, il n'était pas question d'être dominant et d'être dominé. Voilà, l'homme et la femme étaient la même chose. Après le péché, Dieu a dit à la femme, voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Aujourd'hui là, que vous soyez, comment on appelle, présidente, et qui est sur vous avec mari, il va dominer sur toi. Vous voyez, ça dit que la grâce n'a rien changé à ça. C'est des lois implacables. Il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Ta foi n'a qu'à atteindre jusqu'au sommet du ciel. Quand tu vas accoucher, tu vas sentir ça. Et c'est au vu de cette loi, c'est-à-dire se procurer ton mari, que Dieu va établir la loi du sexe. C'est-à-dire désormais, on va venir par la procréation par le sexe. Et c'est cette procréation par le sexe qui va engendrer la polygamie. Voilà. C'est pour cela que, bien que Moïse y a écrit l'Ancien Testament en disant « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme », ce Moïse a pris deux femmes. Vous voyez. Vous parlez de Moïse. Oui. Quelle femme et quelle femme? La femme madianite. Madianite, la ok. Femme éthiopienne. Et la femme éthiopienne. Ok. Okay. Mm-hmm. Maintenant, ce Moïse qui a écrit lui-même la Bible, oui. Il a pris deux femmes. Oui. On a vu l'Abraham. On a vu les Jacob. Oui. Et tous, c'est des polygames. Oui. Et Dieu n'a rien dit. Oui. Vous voyez. Oui. Jacob même avait pris deux femmes, on lui a donné deux cadeaux. Oui. Et comme on appelle David vient. Ça c'est, donc, ça c'est après le péché et on est jusqu'à sous la loi. Après le péché. Oui. Donc tout ça est venu. C'est rentré dans la condition de l'homme. C'est rentré dans la condition de l'homme. Oui. Jésus est venu. Il a fait la rédemption. Oui. C'est vrai. Il nous a racheté. Oui. Mais il n'a rien changé de cette loi implacable. Oui. Qui dit comme la tête des se porterait toi et ton mari, mais il dominera sur toi. Oui. La rédemption n'a rien à changer. Oui. Effectivement, il a dit, comme on appelle à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Ça, la rédemption n'a rien changé à ça. Oui. La même manière, la loi du sexe, tout pour progrès avec le sexe. Donc en clair, toutes les conséquences du péché. Ça n'a pas rétabli la loi du commencement où on dit, comme on appelle, voilà, où on dit on vient avec sa femme. Oui. Ça n'a rien changé à ça. Le diable a couché avec elle. Ça veut dire que, aussi longtemps que l'homme se multiplie par le sexe, la loi de la polygamie demeure et demeure. Oui. Maintenant, après, comme on appelle, après cette vie-là, comme nous sommes dans le monde à venir, la vie, Jésus dit, il n'y aura plus de mari à nous dans notre vie comme des anges. Oui. Mais aussi longtemps que nous sommes dans cette vie, la polygamie demeure une loi implacable pour toute l'humanité. Okay. Que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les hommes, la même chose. Oui. Justifie ça dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, voilà. Certes, comme on appelle, on ne voit pas quelqu'un qui a pris deux fois. Pourquoi? Parce que la Bible ne donne pas la vie détaillée des serviteurs de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Donc par exemple, Pierre avait combien de femmes lui? Pierre seulement, on lui a dit, il avait, on a parlé de sa belle-mère. Oui. Mais on ne parle pas qui est sa femme. Oui. Personne ne connaît le nom de sa femme. Paul, lui, il n'est pas marié. Oui. Les autres apôtres, on ne parle pas de leur foyer. On a parlé seulement de façon spécifique. La seule chose, comme on l'appelle, Paul, parle, il a dit, en établissant les anciens, il a dit que quelqu'un désire être un évêque qui soit marié d'une seule femme. Alors, si on dit dans l'assemblée, si quelqu'un veut être un évêque qui soit marié d'une seule femme, ça veut dire que dans l'assemblée, des gens, même les jeunes chrétiens ne pourraient pas se coucher à sa mère. Vous voyez. Et la copain, il a dit, j'étais établi en Crète, afin que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve, c'est-à-dire il se peut même qu'il ne s'y trouve pas. S'il s'y trouve, quelques hommes Marie ne peut pas. Mm-hmm. Ça veut dire que tu es dans la où tout le monde est polygame. Oui, parce que c'était chez les païens, c'était comme ça chez les païens. Voilà. Ils sont croyants, ils sont polygames. C'est comme ça. Oui. Il sait ce truc. Quelques hommes payants, une seule femme. Oui. Donc, ça veut dire que dans l'église apostolique, oui, il y avait beaucoup qui avaient plus de femmes. Bon, pardon, je pose la question avant qu'on avance. Aujourd'hui, la théorie, tu dis, oui, si tu viens avec ta femme, tu restes. Mais si tu ne veux plus prendre, ça ne peut pas se justifier. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage qui peut se justifier. Qui a quoi? Quelle théorie? La théorie telle que tu l'as avancée pour dire, voilà, si tu es venu, tu étais marié, tu avais deux femmes avant là. Oui. Tu ne peux plus, tu veux pas laisser une là. Oui. Chose. Oui, ça ne se justifie pas par les Écritures. J'arrive bien. Oui. Je sais qu'il ne peut pas avoir divorce dans, oui, le Nouveau Testament. Oui. Mais cela veut dire que si quelqu'un doit avoir deux femmes là, cela ne s'applique pas à ceux qui sont déjà convertis là. Cela n'a pas sa place. Juste là, je ne te comprends pas. Parce non, que oui, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute ce que j'ai dit. Il veut dire quoi? Oui. Il veut dire que, oui, toi tu as dit, oui, si quelqu'un a trois femmes, oui, qui vient dans le Seigneur, dans le Seigneur, trois femmes, oui, il reste avec ses trois femmes. Oui. Ça, c'est pas péché. Oui, c'est pas péché. Maintenant, tu es converti. Oui. Tu as une femme. Oui. Tu ne peux pas aller prendre deuxième. Si tu prends, oui, tes péchés. Oui. Il n'y a pas de verset biblique pour toi qui te donne le droit de prendre une deux femmes. Mais où est le passage qui dit que tu es tenu à garder ta seule femme là? Mais allons-y maintenant. Oui. Vous pouvez, je peux pour lui poser la question. C'est lui qui expose, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Écoute-moi très attention pour ne pas dire ce qu'il n'a pas dit. Oui. L'apôtre Paul dit, oui, en tant que législateur du Nouveau Testament, d'abord, il faut qu'on admette qu'il est le législateur du Nouveau Testament. Oui, oui, oui. Il a dit que chaque homme est ses femmes ou sa femme. Non, il répond. Non. Laisse-le répondre. Laisse-le répondre. 1 Corinthiens 7, on va lire. Oui. 1 Corinthiens 7, on va lire. Ah, justement. On avance. Depuis le Nouveau Testament, on parle de ça. Que chacun est en Corinthiens 7. Oui, c'est bon. Depuis la folie. À partir du verset 11. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, oui, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. Oui. Je pense pour l'homme qu'il est bon de ne pas toucher les femmes. Toutefois, oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Oui. Que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Oui. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari. Oui. Continue. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point d'autorité sur son propre corps. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Oui. Ne vous privez point l'un et l'autre. Mm-hmm. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente dans votre incontinence. Oui, je dis cela par contre des sentences. Je n'en fais pas un ordre. Bien. Il dit, je dis cela par contre des sentences. Oui. Je n'en fais pas un ordre. C'est pas une loi que Paul va prendre. Donc on peut pas considérer cela. Donc attendez, suivez très attentivement. Il a dit pour les... Continue. Non mais attends. Attends, j'ai fini. Laisse-le pas terminer d'abord. Okay. Continue. Mais quand tu fais ça, tu l'embrouilles. Non, c'est lui qui a fait un stop. C'est pas une loi, je vais l'expliquer. Tous les hommes fussent comme moi. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Oui. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Chacun tient de Dieu un don particulier. Paul n'a pas expliqué ce don. Oui. Chacun tient de Dieu un don particulier. Moi j'ai reçu le don de ne pas me marier. Oui. Là, c'est basé. L'autre a reçu le don de marier à une femme. L'autre, oui, a reçu le don de prendre deux ou trois femmes. Oui. Continue. Le don est... Continue comme ça. Dis qui continue toujours. L'un d'une manière. L'un d'une manière. Oui. Ou de l'autre. Oui. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés. À, oui, ceux qui ne sont pas mariés. Oui. Et aux veuves. Et aux veuves. Oui. J'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Oui. Il est bon de rester comme moi. Sans être marié. Sans être marié. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Oui. Il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. J'ordonne, pas moi. Non pas moi. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle s'est séparée. Et si elle s'est séparée. Qu'elle demeure sans se marier. Qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres. Aux autres. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. C'est moi, Paul. Si un frère a une femme non croyante. Si un frère ou une femme non croyante. Et qu'elle consente d'habiter avec lui. Oui. Qui ne la répudie point. Qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, oui, et qu'il consent à habiter avec elle, oui, qu'elle ne répudie point son mari. Oui. car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Oui. Autrement, vos enfants seraient impurs. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont purs. Parce qu'ils sont purs. Si le non-croyant se sépare. Si le non-croyant se sépare. Qui se sépare? Qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ce cas-là. Donc, dans l'église, il y a trois groupes de personnes. À ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés, ça veut dire quoi? Le frère. Et la sœur. Et la sœur sont convertis. Ça, c'est un mariage. Parce que la Paul dit, j'ordonne que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne revoit pas sa femme. Si la femme dit, vraiment je suis fâchée, je m'en vais, elle s'en va. C'est pas qu'elle va se marier là-bas. Si elle se marie là-bas, elle tombe dans l'adultère. Ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. Ça c'est le mariage de Dieu. Maintenant, comment on appelle aux veuves. Et puis, comment on appelle aux célibataires, Paul dit, si tu manques d'incontinence, il faut te marier. Il n'a pas dit qu'il faut prier, comme dans certaines églises. Oh, mais si tu manques de continence, il faut prier. Non, il n'y a pas prière pour ça. Si tu manques de continence, il faut chercher à te. Ouais. Voilà. Maintenant, aux autres. Qui l'appelle aux autres? Aux autres. Ce n'est pas mariage, ce n'est pas aussi prostitution. C'est-à-dire, c'est un frère et un païen qui sont unis. C'est-à-dire, ils sont ensemble. Mais ce n'est pas mariage. J'ai fait ça une association, ça dit que ce sont entendus pour rester ensemble. Mais ils sont pas encore mariés. La preuve en est que Paul dit, si le non-croyant se sépare, qui se sépare, on en parle de tout. Ça dit si un jour, celui qui n'est pas converti dit je m'en vais, bon, c'est ça là, c'est pas un débat. Mais si les deux sont convertis, il n'y a plus de séparation. Ça veut dire que si la séparation, ça veut dire que ce n'est pas mariage. C'est un entendant. Ça dit, tu es là, tu ne sais pas si tu vas trouver ton mari, donc il faut rester jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Toi, tu es là, tu ne sais pas si tu vas sauver ta femme, donc tu es là avec elle jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Donc, en ce temps-là, c'est quand même son mari et sa femme. C'est sa femme, ouais, mais... Tout ce que tu viens de lire, là. Oui. Vous voyez que je suis obligé, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller à la chaque fois pour pouvoir... Non, attends, frère. La polygamie, j'ai dit, Paul dit, je n'en fais pas un homme, mais... J'ai dit cela par condescendance, ça veut dire que chacun peut détenir un don particulier de Dieu. Et ce don-là, je l'ai expliqué. Oui. Tu peux avoir un don de célibat. Oui. Un don d'être marié à une femme. Donc il y a un nom dit de polygamie là. Voilà, il y a un nom dit de polygamie. Donc quand c'est un nom dit, on ne dit pas mon cher. Tu sais que tu connais ces principes bibliques. Maintenant, le fait que. Non, attends. Frère, s'il te plaît. Que chacun est. Il faut que ça sorte des esprits. Non, il faut que ça sorte de l'esprit des gens. Il ne faut pas qu'on dise ce que la Bible ne dit pas. Quand la Bible s'est tue, il faut qu'on se tait à la là où la Bible s'est tue. Vous ne pouvez pas dire que ça va dire par exemple que le don est un particulier ceci. Pourquoi tu n'as pas dit don de miracle là-bas? Pourquoi tu as parlé de polygamie? Ici, c'est par rapport au mariage. Voilà, c'est un problème de mariage, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Pourquoi tu parles de polygamie alors que jamais dans le Nouveau Testament, il n'a abordé nulle part. Et là, je pense à tirer la conclusion sur la polygamie. Mais le fait que Paul dit, oui. Si vous êtes appuyé des anciens, oui. Prenez les gens sans tomber sur une seule femme. Oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'au milieu des païens, il y a la communauté, il y a les gens qui croient avec les femmes. Allons-y doucement, n'est-ce pas? Oui. Allons-y doucement. Oui. Dans cette passage que tu as lu dans le livre de Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas? Là où il a dit, c'est le Seigneur, laisse que l'apôtre Paul a dit par condescendance. Ça, c'est son idée, comme John vous l'a dit. Ici, où il a dit où le Seigneur, il a dit clairement que l'homme ne se sépare point de sa femme. Pourquoi il ne dit pas l'homme ne se sépare point de ses femmes? Pourquoi il n'a pas parlé de ses femmes là-bas, d'une possibilité de ses femmes? Attends, moi j'ai un frère. Par rapport à ça, j'ai cette question. J'ai de... oui. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel. À partir du chapitre 1, verset jusqu'à... Bon. Je crois qu'on va continuer. Oui. Mais je voudrais quand même lui poser une petite question. Attends, d'accord. À qui, à moi? Oui. Allez-y. Bon, la folie. C'est l'histoire de Anne et de Pénulien, non? Oui. À quel verset? Pas du verset 1. Il y avait un homme de Rama Taïm. Sophim. De la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana. Je crois que les gens ne sont pas dans le même passage là-bas. Joram, fils de Léhu, fils de Tous. Comment ça va? Voilà. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Enfin, il pouvait répondre parce que c'est où il va en venir avec ça pour l'autre et ça pour l'autre. C'est là où il va en venir. Elkana offrait son sacrifice et il donnait des potions à Pénina, sa femme. À Pénina, sa femme. Avec deux femmes. Et à tous les. Non, c'est clair, dès le départ, c'est qu'il a deux femmes. Je sais où tu vas en venir. Je dis, je veux que tu me répondes pourquoi le Seigneur dit que l'homme ne sait pas avoir de sa femme, pas de ses femmes. Parce qu'il a posé cette question. Le jour où Elkana offrit ce sacrifice, il donna des fonctions, des portions doubles. Oui. À sa femme. À sa femme. Non, donc on a désigné qui il est parce qu'il y a deux femmes. Maintenant, prends encore le verset. Verset 19. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint de Anne. Il avait deux femmes, mais quand il parle de l'autre, il dit sa femme. Quand il parle de l'autre, il dit sa femme. Là, parce que c'est une façon spécifique. Je dis, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Attentivement. Dans le Nouveau Testament. Frère, suis attentivement. Je connais cette doctrine de la polygamie. Je connais. D'accord. Après, quand tu vas quitter, tu vas dire, malgré dans le livre de 1 Samuel où il a péché avec un Béchéba, que si tu n'avais pas voulu, je lui ai te donné. Mais elle a pas toujours sa femme. Je connais cela. Et tout le passage que tu utilises. Il te dit, chaque verset là-bas, je le connais. Ce que Jean te dit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, où c'est le Seigneur qui donne la loi. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Ce n'est pas une loi. Le Corinthien n'est pas. Suivez attentivement. Non, suivez attentivement. Quand le Seigneur donne un ordre, ça fait office de loi. Non. Il dit que c'est pas un ordre. Non, suivant attentivement. Le volet, là, j'ai dit à balayer ça. J'ai dit que le volet que l'apôtre Paul a parlé en tant que ça, en tant que conscience, c'est ça. Après, il dit que je redonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc, ça fait office de loi. C'est pour ça qu'il veut poser la question là-bas. Il a dit que l'homme ne se sépare point de sa femme. Oui. S'il y a possibilité que les hommes à qui l'on s'adresse aient plusieurs femmes, pourquoi il n'a pas dit de ses femmes et le Seigneur parlant. Oh là là. Bon, laisse-moi d'abord, je voulais un peu parler. Non, attends. Pourquoi il veut parler et puis toi. Ça c'est la première question. Frère. Parce qu'il y a. Oui. Moi, je ne comprends pas. Frère. Oui. On a posé une question. Moi, je pense que comment on appelle Lambert. Oui. 1 Corinthiens 7 qui l'a lu là. Oui. Ça règle tout le problème. Quel problème? Je viens. Oui. Parce que c'est demandé qu'il prouve la polygamie dans le Nouveau Testament. Oui. Il faut lire Matthieu 5, 31. Jusque là encore, c'est pas encore le Nouveau Testament. Non, je viens. Oui, c'est le Nouveau Testament. Non, Matthieu c'est pas le Nouveau Testament. Vous êtes des anciens pour dire savoir que Matthieu n'est pas le Nouveau Testament. Non, je viens. Matthieu n'est pas dans le Nouveau Testament. Non. Et ils ne comprennent pas. Matthieu 5:31. Il recommence encore que Matthieu n'est pas le Nouveau Testament. Vous ne savez pas ça. Non, de toute façon, des choses ça. Je sais pourquoi, parce que c'est ce qu'il a dit. Non, c'est pas le Nouveau Testament. Ce qu'on a écrit là-bas que le Nouveau Testament, c'est pas le Nouveau Testament. Dis par la terre. Non, je lis. Dis par la terre. C'est pour aller comprendre 1 Corinthiens 7 et qui l'a lu là. Oui, c'est ce que tu dis là. Oui, Matthieu. On a été dit qu'il a été dit. Vous avez le silence, frère. Oui, suivez. Dis par la terre, parce que c'est le Matthieu 5, 31. 31. Alors, tu dis quoi là? Il a été dit. Oui. Mais Jésus qui parle. Oui. Vas-y. Oh, c'est que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Oui. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. La répudiation et le divorce, c'est différent. Ça, c'est clair. Une femme répudiée qui a été infidèle, elle est répudiée par son mari. Oui. Toi, tu couches avec elle, tu la maries. T'as adultère. Oui. Parce que son mari est vivant. Oui. Donc, répudier, on peut répudier la femme. Oui. C'est pas un divorce. Oui. On va prendre Romains 7. Non, nous ne sommes pas sur le divorce. Suis attentivement. Nous ne sommes pas sur le divorce. Hein. Je dis, je viens. Je ne vais pas parler de divorce avec vous. Mais c'est sur la polygamie. C'est sur la polygamie. On est en train d'aller à 1 Corinthiens 7 là. Oui. Nous nous réunions, ce n'est pas prévu. Oui. Il faut lire. Romains 7, 1-3. Laissons le frère, il va aller au fond de sa pensée. Oui. Sinon, ça va sur le divorce. On a répudié la femme. Oui. Elle a été infidèle. Je reste seul dans le foyer. C'est la question ça. Attends, oui. Romains 7 pas du divorce. On va comprendre 1 Corinthiens 7 tout à l'heure. Donc vous avez dit que Romains 7 pas du divorce. Je vais dire rapidement. Ignorez-vous 1 comme 1 à 3 non. Oui. Ignorez-vous frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre, d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Il n'y a pas réciprocité là. Là, ce qui est appliqué à la femme n'est pas appliqué à moi. À l'homme. Non, mm-hmm. J'ai dit, mm-hmm. ce qui est appliqué à la femme là, mm-hmm. vis-à-vis de l'homme là, mm-hmm. du vivant de son mari, elle devient adultère. Si elle a connu quelqu'un, c'est pas appliqué à moi l'homme, oui. vis-à-vis de ma femme. Claire. Il n'y a pas réciprocité là. Oui. On va maintenant aller dans 1 Corinthiens 7. Oui. Allons-y. 1 Corinthiens 7. Verset. Après du verset 1, c'est pas tout, on va dire, mais. Lis la portion seulement où on parlait de Jésus. Non, pas là-bas. Lis à partir du verset 4. Lis à partir du verset 1 okay. Corinthiens chapitre 7. Ok. À partir du verset 1, commence là. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. À cause de Jésus-Christ, c'est qu'il va revenir que Paul a prêché dans son temps d'enlèvement que celui qui est une femme soit comme n'en ayant pas. Abréger les temps. Non, ça, c'est donc, verset 39. Pour moi, là. Non, je viens. Je viens. Oui. Donc, pour moi, là, oui. vous êtes déjà chrétien. Vous voyez, je pense qu'il est bon pour le chrétien même de ne pas toucher les femmes. Mm-hmm. S'occuper des choses du ciel. Oui, continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Pour éviter le péché de la sexualité, oui. que chacun ait sa femme. Paul ne voulait même pas que les chrétiens se marient. Oui. Mais il dit, oui. vous êtes des hommes, vous brûlez, mm-hmm. va arriver à ça après tout à l'heure, oui. vous brûlez de désir. Donc, pour calmer la brûlure sexuelle, prenons-moi sur une femme. Continue. Non, mais comment tu dis maintenant, Aude Langa, tu n'as pas dit. Non, dis-moi. Mon frère, permets-moi. Quand quelque chose. Non, il faut que tu corriges. Quand vous dites des choses. Non, je suis sensible aux erreurs. Non, je suis obligé de corriger ça. Quand tu dis au moins, Paul n'a pas dit qu'on prend au moins une femme. Il a dit que quelqu'un est sa femme. C'est spécifique. Non, il n'a pas dit tout ça. Il a dit que quelqu'un est sa femme. C'est unique. Voilà, continuons. Je réponds. Une fois pour éviter l'impudicité, oui. que chacun ait sa femme. Oui. Et que chaque femme ait son mari. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oui. Et que la femme agisse de même envers son mari. Oui. La femme n'a point d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a point d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela dans votre intérêt condescendance. Je ne fais pas un ordre. C'est pas un ordre que j'ai fait. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Célibataire. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Mm-hmm. Oui. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. À ceux qui sont mariés oui. et aux veuves, oui. excusez-moi, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Célibataire. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Merci. Mmh. Il vaut mieux se marier que de brûler. Oui. Tu brûles, tu n'as pas de femme. Tu dois te masturber. Oui. C'est un péché. Oui. Parce que Dieu a tué quelqu'un. Dieu a tué quelqu'un pour ça dans l'Ancien Testament, oui. dans Genèse 38. Oui, oui, oui. Il a tué quelqu'un oui. qui a versé ça à terre. Oui. Donc ici, non, écoutez bien. Écoutez bien. Voilà, il dit, je ne fais pas un ordre, hein, oui. mais que celui qui brûle, qui se marie. Oui. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. On va toucher le dernier 10 semaines, 10-11 là, il faut toucher maintenant. 10. À ceux qui sont mariés, oui. j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. À ceux qui sont mariés, chrétiens, chrétiennes, c'est un ordre. Ce n'est pas mon avis personnel, moi, Paul. Oui. Je fais la précision. Oui. C'est le Seigneur qui donne l'ordre. Donc ça fait office de commandement. Ça fait office de commandement, là. Continue. Oui. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Ah, c'est une condition. Ça veut dire qu'elle peut se séparer un jour. Que la femme ne se sépare point, la femme chrétienne, que la femme ne se sépare point de son mari. Ça peut arriver. Si elle est séparée. Si elle est séparée, ça peut arriver. elle est fâchée, elle est insoumise, et on voit ça dans la vie des chrétiens, hein. Des chrétiens vraiment convertis, hein. Avec leur femme, ils ont vécu, la femme s'est séparée, 2-3 ans là-bas, et le monsieur, il reste dans le foyer. Si elle est séparée, continue. Qu'elle demeure seule, non. Qu'elle demeure sans se marier, ça va sur la femme, pas sur l'homme. Continue. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ou bien qu'elle vienne se réconcilier avec son mari. C'est pas au mari de courir derrière elle parce qu'il brûle. Jamais. Hein? Ouais. Continue. Et que le mari ne répudie point sa femme. Merci. Donc ici, là, la vie chrétienne, c'est de l'expérience. Tu as ta femme. Elle est convertie réellement. Tu es converti. Nous sommes dans la chair. Il y a eu une parade dans le foyer. Dieu a 3 avertissements. Elle ne change pas. Elle dit c'est ça. Et on a vu des cas comme ça ici. Même à Côte d'Ivoire ici, il y en a. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants avec sa femme. Et la femme s'est séparée, ça fait 6 ans, 7 ans. Et le monsieur est dans le foyer. Il est dans le foyer là. Et maintenant, il est là, il brûle. Il brûle. Il doit faire quoi? La femme est partie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il souffre. Il n'a qu'à rester là pour l'attendre. Elle va faire 20 ans là-bas, il attend. Quand vous allez venir me poser des questions, je parle. J'arrive, de toute façon, j'arrive. Mm-hmm. Hein. Parce que aussi, quand on les dit, on les commente. Absolument. Voilà, on les interprète aussi. Absolument. Voilà. Donc ici, que ce soit interprété dans la chair ou spirituellement. Non, c'est quand même. C'est, oui, oui. Donc lui là, il brûle. Oui. Et la parole de Dieu lui donne le droit que celui qui brûle, qui se... Marie. Donc là maintenant, attends, qui attend cette occasion là. Oui. C'est-à-dire, bon, il va vers elle. Ouais. Il lui dit. Et puis il la prend dans le foyer. Oui. Et plus tard, sa femme revient. L'autre là, elle prend conscience. Elle a envoyé une délégation vers son mari. Oui. Pour demander pardon. Oui. Tu dois la pardonner. Oui. Amen. C'est ta femme, il n'y a pas de divorce. Oui. Et tu la pardonnes pas. Et puis elle reste en dehors du foyer. Oui. Elle retient le foyer. Oui. Il est devenu polygame. Voilà. Maintenant, ça, c'est ton expérience. C'est que la Bible, elle dit, tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais te dire stop là pour corriger. Mais il fallait que je finisse. Oui, non, mais je voulais que. Et je ne sais pas comment. Non, si je faisais cela, c'est pour ça que tu pouvais relancer facilement. Oui. Parce que tu as dit, il est comme ça, et sa femme, elle a 6 ans, et il brûle. Et la Bible lui dit que si c'est brûle, qu'il se marie. Tout à l'heure, tu as convenu avec moi que pour ceux qui doivent brûler, qui doivent se marier, c'est en haut, c'est Paul qui a dit. Là-bas, en bas, il n'a pas dit ça. Là-bas, en bas, quand il s'agit de l'homme Seigneur, il n'a pas dit que si ta femme se sépare et que tu brûles le mari, toi, il n'a pas dit ça. C'est toi qui amènes ces conjectures. Il fait quoi? Là, non, mais attends, j'arrive. Puisque tu viens de dire tout à l'heure là que la femme a pris conscience, elle est revenue. Il faut patienter. Non, il y a ce qu'on appelle, la Bible appelle patience. Tu vois? La Bible appelle la patience. J'arrive. Il a parlé, non? Donc, vous voyez effectivement qu'il a conçu le mur de la polygamie et il a donné la porte à la polygamie en prenant juxtaposément les versets qui concernent ceux qui sont les non-croyants. Là, on a pas donné les suggestions et en même temps, c'est que le commandement de Dieu a dit. Réalisons encore le même commandement. Non, moi, j'arrive. Je vais te poser une question. Maintenant, oui. Il est dans le frère Lambert. Non, non, j'en arrive. J'arrive là-bas. J'arrive. Je dis, oui, pose la question. Enfin, je vais partir. Oui. Est-ce que tu sais à quel moment la monogamie a été introduite? Non, je ne sais pas. C'est l'Occident, je vais te dire aujourd'hui. Hein. C'est au départ, dans le monde entier, c'était la polygamie partout. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas le principe. Je ne suis pas le principe. Tu connais l'histoire de la polygamie? Non, non, je connais. Ah bon, d'accord. Je connais. Tu se maries à deux femmes. Je connais. Nous ne suivons pas le monde. Nous suivons la parole. Nous ne suivons pas le monde. Nous suivons la parole. On dit, nous ne sommes pas conformés au monde. D'accord? Je suis juif comme tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas les juifs. On suit le principe du Seigneur. D'accord? Maintenant, bon, quand le Seigneur dit à Matthieu chapitre 19, il a dit qu'il n'en était pas si au commencement. Il a dû corriger les choses. Maintenant, c'est que le frère le dit dans 1 Corinthiens 7, il est question où l'apôtre Paul parle et il dit que j'ordonne non pas moi mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle revienne. Lui pose la question, si elle est séparée maintenant, elle ne revient pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis ici, la conclusion, c'est sa parole qui est dangereuse. Et il dit que la parole lui dit que s'il brûle, qu'il se marie. Il est déjà marié. Il doit chercher la réconciliation. Parce que c'est à ceux qui sont en haut, il a dit, à ceux qui ne sont pas mariés, si tu brûles, marie-toi. Lui, il est marié, donc il doit attendre dans la patience. Ou il n'y a pas la patience chez vous. Comment est-ce qu'il va prendre un verset et comment couper pour introduire la polygamie? L'apôtre Paul a dit que l'homme ne se sépare point de sa femme et que la femme, l'homme ne réplique point sa femme. Il n'a pas dit ses femmes. Parce que cet homme-là, s'il avait plusieurs femmes, il aurait dit que le Seigneur a dit que l'homme ne se sépare pas de ses femmes. Il n'est nulle part comme ça. J'arrive. Si la femme se marie, elle vit dans l'adultère. Voilà. Et toi, tu fais l'homme. Elle vit dans l'adultère. Si tu te maries maintenant, tu es unique avec celle-là. Tu es avec sa femme parce que celle-là est dans l'adultère. La Bible va même plus loin dans Jérémie chapitre 3, verset 1. Que si un homme, une femme a quitté un homme, aller coucher avec une autre femme, tu ne dois même plus la prendre. Donc si tu couches avec un homme, tu pêches. Voilà, et toi, tu dois te remarier. Tu vas te marier maintenant avec une autre femme. Voilà. Oui. Voilà, ça dit, c'est pas la polygamie. Okay, ça n'est pas la polygamie. La polygamie, c'est un homme et plusieurs femmes sous un toit. Vous comprenez là? Ça, c'est la polygamie, c'est un homme, plusieurs femmes sous un toit. Alors maintenant, si quelqu'un est exclu, il n'est plus là. La femme va rendre compte à Dieu pour le fait qu'elle ait brisé le lien du mariage. J'ai pas encore fini, j'ai vraiment pas fini. Vous avez exposé. La pensée que tu vas développer ici, c'est la même pensée qui développe. Donc je vais dire quelque chose. Le mariage, l'apôtre Paul, qui a ce conseil de mystère dont tu as parlé, a appelé le mariage entre Christ et l'Église comme étant un mystère. Et en parlant, c'est la typique entre l'homme et la femme. Il n'est pas question dans le mystère, le conseil de Dieu, de l'homme et des femmes. Il n'en est pas. Il n'en est pas dans Éphésiens chapitre 5. Il commence au verset 22. Il dit que femme, soyez soumise à votre mari et que l'homme aime sa femme. C'est chaque fois au singulier. Et il dit que la révélation du mariage parfait, c'est Christ et l'Église. Combien d'églises Christ a-t-il? Combien? Beaucoup d'églises. Combien d'épouses a-t-il donc? Combien donc d'églises épouses a-t-il? Beaucoup d'églises. Mais Bible... il y a toutes ces églises comme étant. Non. Tu dis que non, il n'est nulle part où dans la Bible, dans la polygamie physique dont tu parles, on a composé toutes les épouses là comme sa femme. C'est parce que tu n'as pas la. J'arrive. Non, c'est pas le problème de révélation. C'est pas ça. J'arrive. Par rapport au vierge, je connais. Non. Je veux qu'on dise des choses spécifiques. Le passage qui dit que comment on appelle, Christ nous a appelés à la liberté. Oui. Mais ne faire pas de cette liberté un prétexte pour vous vivre selon la chair. Oui. Comment tu comprends? Est-ce que cette liberté, si moi, me voici, je prends un exemple concret sur moi. Je suis professeur à Gagnoua. Oui. Je travaille là-bas. Oui. L'année passée, mon papa est mort. Oui. On m'a donné, je suis l'héritier. J'ai commencé à faire une plantation là-bas. Mm-hmm. Là-bas, je suis avec ma femme travaille. Oui. Quand je vais au champ aussi, quelquefois, je peux faire 5 jours, voire une semaine. Oui. Alors, est-ce que je n'ai pas le droit de prendre une femme pour faire le champ là-bas? Donc, c'est à cause de ton expérience que tu vas. Non. Donc, il te faut la délivrance. Non. Vous voyez? La loi de la liberté. Vous voyez? Donc, il faut la délivrance. Ça veut dire qu'il se met qu'il passe au champ, il ne peut pas s'abstenir. Il a un problème. Je voudrais parler. Oui. Ok. En fait, quand le frère dit que dans la Bible, il est toujours question, lorsqu'on parle de femme, d'une seule femme, d'un seul homme. Un homme, sa femme. Non, il m'a dit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on parle de plusieurs femmes. Dans le Nouveau Testament, dans la révélation de la grâce, c'est comme ça. Et que Paul, on ne parle pas de qu'on appelle de plusieurs femmes. Oui. Ok. En fait, Paul a parlé de plusieurs femmes. Oui. Quand il parlait des diacres et autres. Oui. C'est-à-dire des chefs d'église. Oui. Ça veut dire que ça existe. Oui. Ça existait. Oui, la polygamie existe au milieu de l'église. On ne sait pas comment. Oui. On ne sait pas si les gens sont mariés dedans ou. Il y a pas un passage. Écoute-moi. Voilà. Quand tu parles, j'ai peur. Quand tu parles, j'ai peur. Oui, alors, faut laisser. Quand je tiens mon raisonnement. Je ne sais pas d'où. Parce que moi, j'ai prié le Seigneur pour être ici. Oui. Donc, vous voyez. Faut tirer ta chaise, la lumière là, tu déranges la source. Vous voyez. Oui. La Bible est là. La Bible est là. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui nous ont été transmises par révélation de certains de nos frères dans le monde. Oui. Je prends l'exemple de la sémence originale, c'est-à-dire que la sémence du serpent. Oui. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mm-hmm. Mais le frère Branham nous a expliqué ça. Mm-hmm. Et moi, j'ai cru. Mm-hmm. On prend ce qu'on appelle la bête qui monte de la en fait, la papauté. Oui. Il a expliqué, rien n'est écrit. Oui. Mais avec les 666, les trucs, quand il explique tout ton Rome, la, qu'on appelle la ville, qui... les sept collines, et l'une de ces collines-là, c'est Calios. Et quand tu prends le dictionnaire, on dit Calios, l'une des sept collines de Rome. C'est-à-dire que par les trucs pratiques, on sait que c'est ça. Ok. Et puis, il y a eu, comment on appelle, la pomme dont on parle. Où le frère, en fait, a expliqué qu'en réalité, ce n'est pas la pomme qu'ils ont mangée, mais c'est des rapports sexuels. Je crois que sur ces choses-là, les choses. Vous voyez que le péché est né d'où? De ce rapport sexuel. Le Satan même y a participé. Ça veut dire que c'est sur ça qu'il a mis son... C'est sur fondation. Ça, sa base, sa fondation. Mmh. Ok. Et on a commencé à aller. Paul même qui parle. Oui. Et puis il y a eu deux lignées. Mmh. C'est-à-dire la lignée de Caïn et la lignée d'Abel. Oui. Ça veut dire quoi? Adam a cherché, c'est-à-dire il a détruit l'ordre de Dieu parce que Ève était la femme d'Adam. Et Dieu a permis que le diable, qui c'est en fait le serpent ancien, oui. Le diable, vienne coucher avec Ève au point où un homme d'une autre espèce, oui. Naisse. Et cet homme-là ne nous a, c'est-à-dire, ça n'a pas été séparé, on n'a pas été séparé et nous tous on vit ensemble. Oui. Donc la nouvelle, la première alliance où l'homme devait prendre une femme a été détruite, oui. Par le diable lui-même. Oui. Et Dieu a fait quoi? Dieu a fait une nouvelle alliance, c'est-à-dire le recommencement. Oui. Il y a eu un commencement. Mais, frère, permets-moi de dire quelque chose, oui. de fixer quelque chose et puis tu continues. Oui, oui. Quand l'alliance d'un homme, une femme a été brisée, y a-t-il une alliance où Dieu a introduit clair dans la Bible, vous pouvez montrer en disant que voici la polygamie, que maintenant il institue la polygamie, ou bien c'est une constatation seule de la dégénération du péché? Je viens. Oui. Voilà. Tu as bien suivi la question, non? J'ai suivi la question. Oui. Ok. Donc, Dieu a fait de ça un système. Oui. Puis c'est lui Dieu. Il peut, oui. Prendre même. Est-ce que c'est lui qui a institué le système de la polygamie, ou bien à l'issue de le péché, la polygamie s'est instituée? Non. Je veux dire que quand le diable. Vous suivez la question, non? Oui. Quand le diable est venu et qu'il a brisé. Oui. Le lien du mariage. Voilà, c'est pas, même pas le lien du mariage seulement. Oui. Le lien de notre vie. Oui. C'est-à-dire, normalement, quand Dieu nous a créé, la vie qu'on mène là, c'est, oui. Pas ce qu'on devait vivre. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on est d'accord. Donc tout a été bouleversé. Oui. Tout a été. Je t'ai suivi ma question. Oui. J'ai dit qu'il y avait une alliance sur mariage homme-femme. Je viens homme-femme, à la polygamie, homme-femme. Je viens. Oui, oui. Je viens, tu vas voir pourquoi il y a la polygamie. Non, non, je vais tout simplement, comme tu nous réponds, qu'il y a une alliance que Dieu a instituée. Ok, après le péché, voici l'alliance que je mets. Parce que nous avons vu clairement, après le péché, il a donné, comme il a dit tout à l'heure, l'alliance avec le serpent. C'est il a donné pourquoi? L'alliance avec l'accouchement difficile, ainsi de suite là. C'est pourquoi? Oui. Ou bien c'est une constatation, non, c'est simple. Pourquoi quand j'ai parlé de révélation, oui. De certaines choses, okay. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, oui. Mais c'est par révélation. Et c'est quand tu expliques, oui. Que tu vois, c'est à cela que je veux dire. Okay. Donc la première alliance était qu'on appelle l'alliance, voilà, oui. Dit, tout est mélangé, oui. Et les enfants de Dieu font aller vers les enfants d'Ève. Voilà, t'as dit tout est mélangé. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est lui Dieu, oui. Il a permis ça. C'est comme s'il a pris acte et il a béni ça. Oui. En fait, Dieu ne parle pas de bénédiction. Oui. Voilà. Donc, il a permis que ça se passe ainsi. C'est, oui. Comme les animaux. Oui. Au début, on ne devait pas manger les animaux. Ça, c'est clair. Là, c'est écrit dans la Bible. Voilà. Après, ça, il a donné pour nous. Oui. Toi, Dieu a dit, ok, manger, mais verser son sang. Oui. Donc, il y a des choses que Dieu ne dit pas, mais en fait, ça se passe parce que le diable est passé déjà. Oui. Et donc, il entérine et tout c'est lui qui est Dieu et chose. Oui. Donc, je te dis, pourquoi Paul, quand il parle, tu vois, il parle d'une seule femme. Oui. On ne prend pas l'exception pour faire la règle, oui. Quand on enseigne. Oui. Quand on enseigne dans le système pédagogique, que ce soit divin comme chose, oui. Quand on parle de quelque chose, on parle du principe, oui. De ce qui doit, ce qui est général. Être, voilà, mm-hmm. Ce qui est général. Oui. Pour un homme, oui. De Dieu, oui. Une femme, c'est suffisant. Oui. C'est ce que Paul dit. Oui. Ça dit que sans femme, c'est ce qui est mieux. Hein. Parce que ça te permet d'adorer correctement Dieu. Oui. Mais lui, il a dit qu'il faut un autre du côté du champ et l'autre à la maison. Non, attends. Mais si tu veux, oui. Tu vas te marier. Ça veut dire que s'il voyage partout comme je l'ai là, dans chaque pays, il a femme. Si tu veux te marier. Pour ne pas pouvoir se maîtriser. Voilà. Si tu veux te marier, une femme, c'est déjà suffisant. Une femme, c'est déjà suffisant. Oui. Parce que c'est pour éviter la fornication, oui. C'est pour le désir. Oui. Sinon, c'est pas important. Oui. Voilà, c'est bon. Oui. Non, il a dit que pour Dieu, pour un enfant, pour quelqu'un qui veut vraiment, il a dit ça. Oui. Il dit lui, il est préférable que les gens restent sans femme. Alors, donc, c'est un peu ça. Faut pas me dire, frère. Donc, tu vois, il dit que. Là où tu nous amènes, c'est que tu nous montres là où la révélation de la polygamie est venue. Voilà. Allons-y, c'est là où j'avance. J'attends. Donc, tu vois, Paul qui dit que une femme, c'est important. Il est en train de mettre des bases. Oui. Mais Paul ne peut pas dire aux gens de se. C'est-à-dire que le fait de se marier à deux ou trois femmes, oui. Hein, oui. On ne peut pas encourager ça, humainement parlant, oui. Spirituellement parlant. Oui. On ne peut pas encourager. C'est-à-dire dire que, c'est-à-dire dans mon assemblée, les gens sont deux femmes. Demain, chaque fois, c'est moi qui vais venir régler les problèmes des femmes, machin. La femme pose toujours. Femme-homme là, oui. Ça pose problème. Oui. Donc voilà pourquoi on limite ça. C'est-à-dire quand il parle d'une femme. Oui. Maintenant si quelqu'un est capable de tenir, de prendre deux femmes, oui. Il le prend parce que c'est les Moïse. Donc il prend maintenant en invitation de Moïse, oui. Et autres. C'est les Moïse qui ont envoyé ses règles. C'est eux qui vivaient ces règles là. Oui. Mais ils personne n'a respecté ça. Okay. C'est Moïse qui a écrit. Frère, c'est ce dont je te pose la question. Et la femme de David, oui. Comme on appelle la femme Bathsheba. Adultère, oui. C'est elle, c'est d'elle que, comme on appelle Salomon. Jésus. Salomon, Jésus. Oui. Salomon est sorti de Dieu. Oui. Les étrangers, oui. C'est-à-dire que les femmes étrangères qui ont marié Naomi, oui. C'est-à-dire quand elle. Rahab même, la prostituée. Voilà. Mais c'est de là-bas, oui. Tu vois, la même lignée là. Oui. De Jésus-Christ. Oui. Vous voyez, oui. Donc, ouais, dans la grâce. C'est la grâce est venue par la lignée des autres. Quoi. Donc, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est la constatation, parce qu'on voit dans sa lignée. Tu as dit, comme on appelle, tu peux naître. Ça dit, ce n'est pas la naissance naturelle, oui. Que Dieu décide. Ça dit, deux hommes peuvent être chrétiens. Il y a un impur qui sont là-bas. Le diable même, oui. En monde. Oui. Tu vois, donc, absolument. C'est spirituel, c'est Dieu, oui. Même, oui. Qui choisit, qui sauve, qui fait les choses. Absolument. Qui fait grâce. Voilà, donc c'est par là que je suis en train de changer. Oui. Donc, le diable a mis sa loi sur ça. Oui. De sorte que le vrai péché même, oui. C'est par là même, oui. Que c'est parti. Oui. Et c'est le péché. On a dit quoi? Dieu va juger l'adultère et l'implicité. Oui. Sinon, les autres péchés, c'est les saints qui vont juger. Oui. C'est dans la Bible. Oui. Donc, quand Dieu, le Paul parle, ils utilisent le principe qu'une femme, une femme, une femme. Oui. Mais là où il y a eu deux femmes, où la portée de plusieurs femmes à chaud, Paul a révélé que qu'ils soient mariés à une seule femme. On ne sait pas comment ces gens, ces polygames-là, sont entrés. Oui. Mais on a des exemples. Ce qui est interdit dans la Bible, ça sera clairement dit. Oui. Parce que les lois des Juifs, là. Est-ce que c'est interdit, par exemple, de fumer là-dedans, clairement? Non. Mais est-ce que physiquement, je dois fumer? Parce que tu as dit ce qui est interdit clairement dans la Bible. C'est interdit dans la Bible d'aller dans la boîte de nuit par exemple. Mais un chrétien peut fumer. Un chrétien? Un chrétien peut fumer. Ok, c'est bon, avance. Un chrétien peut fumer. Ça n'a rien à voir avec son salut, mais. Non, ne touchons pas le salut, voilà, c'est autre chose. Un chrétien peut forniquer. Hein? Un chrétien peut forniquer. On a vu dans 1 Corinthiens 5, un chrétien qui vit marié la femme de son père. N'est-ce pas? Mais Paul a réglé. Il dit que ce gars-là. Alors je pose la question maintenant. Mais ça veut dire que ça. Mais ça fornique à tes risques et périls. Est-ce que ça a touché son salut alors même si. Non. Voilà, donc ça veut dire que même fumer, il ne touche pas son salut. Ça touche pas. Avant seulement. Je fumais. Non, pourquoi tu fumes? Tu ne fumes plus pourquoi? Je ne fume plus parce que je ne veux pas. Okay, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que j'arrête. Donc ça veut dire que ça te dérangeait ou pas? À cause de quoi? Dans la nuisance ou bien? Donc la cigarette fumée, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché en soi. Non, dis tout simplement, ce n'est pas un péché. Donc, aller en boîte de nuit danser les musiques mondaines n'est pas un péché. Mais moi, je vais te dire que je ne pêche plus. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est cela. Ouais. Yusson a dit ceci. Même, non, frère, Yusson a dit. C'est dans les conversations qu'on comprend beaucoup de choses. Donc, ça veut dire, n'est-ce pas, oui. Un chrétien ou un pasteur peut quitter le dimanche matin, il part en boîte de nuit danser les musiques mondaines et rentrer. Parce qu'il peut se faire plaisir, non, mais ça ne touche rien à son péché, à son salut. Tu sais, si je ne le fais pas, oui. Je ne le fais pas par piété. Oui. Par piété. Mais si tu le fais, c'est pas le péché. Hein? Donc, si il le fait, c'est pas le péché. Ce n'est pas un péché. Donc, d'aller en boîte de nuit danser les musiques mondiales. Parce que c'est ma nature de pécheur, là. Oui. Ma nature, mon corps. Qui demande qui ça. Qui se manifeste. Ok. Les fruits du péché, oui. C'est ça. Donc, ça dit que le chrétien, toi qui le pêches, là, tu as la semence du péché encore en toi. Voilà. Oui, donc, moi, qu'est-ce que je fais? Comme je suis avec Christ, oui. Je marche pour Christ, oui. Je dois demander à Christ de me transformer. Oui. Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais ça veut dire que la boîte de nuit, ça veut dire que si tu. Si tu n'as plus fait ça, ça suppose que c'est un problème déjà. Ça va être un débat. Frère, oui. Frère, Olivier, oui. Olivier, frère, Olivier, oui. Frère, oui. Frère, Olivier, chacun reste dans l'état où il a été appris. Frère Junior, attends, oui. Bonsoir, il n'a qu'à lire. Olivier, du tout, il faut lire Esaïe 4. J'ai dit, il faut lire 1 Corinthiens 4. Il nous a mené en ouvrant la polygamie. Donc, attends, quelque chose qui est interdite, frère. Attends, c'est quoi? Il faut quelque chose qui est interdite. Oui. Depuis le début. Oui. Et ce sont les hommes du début même qui sont dedans et on ne les lapide pas, on ne les tue pas, on ne fait rien, on ne dit pas Dieu a dit de faire. Dieu même les suivait au début. Oui. Il les suivait au début. Oui. Et ils avaient ces femmes-là. Oui. Même Myriam, quand l'affaire d'Abraham, oui, et de Moïse, lui a fait le reproche. Dieu lui a dit, mais pourquoi tu importunes mon serviteur Moïse? Oui. Alors, parce que même si on te comprend, ça dit que la polygamie, c'est pas interdit. C'est pas interdit parce que ce n'est pas écrit. Que c'est interdit. Voilà, la monogamie aussi. Oui, la monogamie aussi. La monogamie aussi, on n'a pas dit non que les gens doivent se marier. Hein, oui, forcément, oh, ok, donc c'est la conclusion là-bas. C'est pas interdit, c'est pas spécifique. C'est pas spécifique, donc c'est pas interdit. Il faut lire Esaïe 4, Esaïe 4, ok. Il faut lire pour moi la question. Non, attends, toi, tu vas conclure. J'arrive avec la question. Il faut lire Esaïe 4, Esaïe 4, allons rapidement, Esaïe 4. Il a demandé un Corinthien 7, la lecture de la Bible. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme. C'est adjectif démonstratif, vous oubliez 7 là. Ou bien c'est chiffre. C'est 7, le chiffre 7. Oui. Je reprends le verset. Oui. Oh, mais c'est cheesy. Et 7 femmes saisiront. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Te porte son nom. Nous mangerons. Voilà. De notre pain. Comment le faire? Comment on fait porter à une femme son nom? On les épouse, c'est les mariés. Attends, hein, il faut prendre acte 17.4. Oui. Acte 17.4. Acte 17.4. Donc finis de lire, tu lis pour celui-ci, et puis je pose la question, les questions doivent parler constamment. Moi, j'ai dit acte 17.4. Oui. Quelques-uns d'entre eux fut persuadé et se joignit à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Et beaucoup de femmes de qualité dans l'église, dans la conversion, qui ont déjà les moyens. Beaucoup de femmes de qualité. Descends au verset 12. Le dernier verset 12. Plus d'un. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes de qualité dans l'église, beaucoup de femmes de distinction. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Ah. On a les moyens. On peut nous pour nous prendre la charge, oui, nous habiller, oui, nous nourrir. Mm. On ne te demande pas tout ça, pas avoir peur. Nous allons suivre ça. C'est ça. Fais-nous porter ton nom. C'est ça. Bon, je peux parler, n'est-ce pas? Oui. Bon, attends, donc, Salut, moi d'abord. Tu es trop fort. Oui, chapitre 17, verset 29 de 1 Corinthiens. Voici ce que j'ai dit, frère. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que la femme. Non, c'est pas ce qu'il écrit. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Oui. Que désormais. Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des femmes. Oui. Soit comme n'en ayant pas. Oui. Amen. On n'a pas dit celui, on a dit ceux. Donc, toi, nous avons des femmes. Non, mon frère, regardez. Attends. Vous voyez, il a pris ici parce que les femmes sont au pluriel. Mais la Bible déclare que ceux, tu as une femme, j'ai une femme, il a une femme, nous tous, nous sommes les seuls là qui ont des femmes. Non, monsieur, regardez. Oui. dans d'autres, parce que j'ai lu plusieurs traditions. Oui. Il y a d'autres traditions. Ah, vous avez choisi pour ça, vous avez compris ce que ça dit. Oui. C'est la polygamie ici. Parce qu'il y a d'autres traditions. Oui, qui disent. Les tenants de la monogamie, ils oui. disent ceux qui ont une femme. Ceux qui ont une femme. Oui. Lui, il dit ceux qui ont des femmes. Non, non, ça c'est juste. Avec ça, je comprends clairement qu'on a dit Olivier Angoran. Toi, le frère, c'est toi, c'est moi, frère, moi, c'est nous tous, là, vous qui avez des femmes. Parce qu'il y a une catégorie de chrétiens qui ont des femmes, d'autres qui n'en ont pas, comme il a dit au chapitre, au verset suivant, au premier bon, verset. Donc pour ceux qui ne sont pas mariés. Lis Matthieu. Non, attends, c'est pas fini là. C'est pas fini. Le verset 29, il est le verset 30. Il a même dit que ceux qui usent du monde. Que ceux qui usent du monde. Ouais. C'est pas les polygames qui usent du monde. Moi, c'est le verset là qui m'a dit. Ton monde là, faut prendre mes poids. Matthieu 25. Oui. Matthieu 25. Oui. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allait à la rencontre de. De l'époux au singulier. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, les plus près du leur avec elle. Voilà, arrête-toi. Donc, Jésus parle de 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Oui. Ici, selon la tradition, l'époux c'est Jésus. Mm-hmm. Les vierges, c'est des femmes. Ils vont à la rencontre d'un époux. Oui, absolument. Amen. Amen. Un époux. Oui. Pour 5 femmes ou bien 10 femmes. Oui. Alors, si la polygamie était condamnée, pourquoi je peux faire référence à ça, même dans une parabole? Bon, je pose une question, n'est-ce pas? Je pose une question. Jésus lui-même oui. est sorti d'une famille polygame. Il n'y a pas comment de problème. Comment peut-il interdire la polygamie? Ok, il est sorti d'une ancienne parent. D'une nation polygame, d'une famille polygame. Il est sorti d'une ancienne femme qui était prostituée. Pourquoi il interdit la prostitution? Hein? Il a rappelé la prostituée, c'était sa grand-mère, n'est-ce pas? Oui. Il a interdit la prostitution. Mais la prostitution? C'est pour une oui, non, là, vous en avez utilisé un langage, c'est le même langage. C'est pas parce qu'il est sorti d'une famille polygame que ça veut dire qu'il entérime la polygamie. C'est dans ce qu'il a dit, il est aussi sorti d'un la polygamie, tous ceux qui ont. Parce que même dans l'Ancien Testament, oui. L'Ancien Testament, même quand bien même l'Ancien Testament interdisait la prostitution. Non, la Bible mais ceux qui ont pris beaucoup de femmes, comme oui. les Moïse, oui. comme les Abraham, comme mm-hmm. les. Pourquoi Dieu ne les a pas condamnés? Bonne question. Maintenant, je peux parler maintenant. Vous touchez maintenant le domaine qui me concerne. Voilà. Je peux maintenant parler. Voilà. Donc, je vais commencer par dire certaines petites choses maintenant. D'accord. Vous avez lu, je crois qu'il a lu Ésaïe chapitre 4. Et il a eu la magnanimité pour quitter Ésaïe chapitre 4, sauter rapidement dans Actes des Apôtres. Et Ésaïe chapitre 4 concerne les Juifs de façon spécifique. Il va trouver Actes chapitre 17 qui concerne les Grecs. J'aimerais d'abord qu'il nous dise comment il met en relation. Ésaïe chapitre 4, Actes chapitre 17. Allons-y, mon frère. Il te passe la parole. Sinon, on peut prendre Ésaïe chapitre 4, on lit exactement la période que c'est situé. La période où c'est dit de façon spécifique chez les Juifs. Je vous ai dit qu'on ne peut pas tenter l'écriture, je l'ai ici. Non, ce n'est pas à vous qui est posé, c'est à lui. On n'arrivait pas. Donc, Justin lui dit qu'il a pris Ésaïe chapitre 4, où les 7 femmes l'avaient demandé à un homme de porter son nom. N'est-ce pas? Je veux qu'on rentre là-bas, on lit, ou bien il nous dit clairement à qui exactement c'est adressé. Et comment il met en relation ce verset-là et ces gens-là avec les Grecs de Corinthe. Moi, je ne suis pas. C'est vous qui l'avez débattu. Non, c'est pas lui qui. C'est pas lui qui a dit ça. Ce passage-là, c'est déjà accompli, mais c'est pas encore accompli. Est-ce que ce passage c'est accompli, mais ce passage c'est pas encore accompli. Non, je voulais dire que comment il a pu mettre en relation. Parce que quand on lit là-bas dans Ésaïe 4, il n'est pas question de gentil. Mais après, demande si ce passage s'est accompli. Je demande d'abord si ce passage s'est accompli. Posez la question alors, parce que c'est lui qui a mis en relation Ésaïe 4 avec. Une prophétie. Voilà. C'est une prophétie. Oui. Ça veut dire qu'elle ne sait pas encore. Cette femme à ce jour, c'est Ziron. Je ne demande pas encore. Voilà. Donc, ça part de la fin des temps. Oui. Mais il y a déjà qui, c'est pas seulement spécifique, c'est adressé. Parce c'est ça que je t'en ai dit. Ça n'a rien à voir avec l'église, même pour commencer. Il est au courant de cela. Mais le problème, comme il y a les femmes riches là-bas, et on a mis les femmes riches de l'autre côté. Non, c'est pas, est-ce qu'il a dit ça, frère? Nous sommes les biblistes. Je n'ai pas dit que toutes les prophéties s'adressent. J'ai dit que cette prophétie-là, clairement, de façon spécifique, s'adresse aux filles de Sion. À Israël. Bon, maintenant je commence. Maintenant, je donne aussi le verset, n'est-ce pas? Mais nous sommes Israël spirituel. Non, mais on n'a pas les spirituels là-bas. Alors, maintenant, je commence. On va le compliquer ici, là, maintenant. On va commencer à dire que spirituel. Le sexe, c'est palpable. Quand vous brûlez, là, vous brûlez physiquement. Alors, maintenant, je vais, pour qu'on ne soit plus long, je vais citer les passages de l'écriture en donnant des références. Ça, c'est le Nouveau Testament. Parce que tout à l'heure, il a pris Matthieu chapitre 25, où Kako Philippe avait les bras, il discute là-bas sur le cri de minuit. C'est pas sur le cri de minuit que je vais parler. Non, non, j'ai dit c'est pas sur le cri de minuit que je vais m'appuyer. Je vais m'appuyer sur le passage parce que là-bas, dans cette parabole, justement, on voit un époux et plusieurs vierges. Cinq sages et cinq folles. Et il a pris ça pour dire clairement que pourquoi Christ prend ici pour beaucoup de vierges pour parler à un seul époux. Ça, c'est clairement que c'est Christ là-bas et c'est les églises. Et vous connaissez les différentes dispensations des églises qui sont dormies entre temps de toutes les nations, de tous les lieux, qui sont là, même malgré cela, il y a une seule épouse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Mon frère bouge la tête comme ça. Apocalypse chapitre 19. Vérifions ça maintenant dès le premier, pendant Apocalypse, en rentrant doucement, pour qu'on y voit. Apocalypse chapitre 19. Écoutons très attentivement. Les versets 6 et 7. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 7. Oui. Et j'ai entendu comme une voix, une foule nombreuse. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui, oui, oui. Comme un bruit de grandes eaux. Oui. Et comme un bruit de forte mer, oui, disant, oui, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Oui. Réjouissons-nous et serons dans l'allégresse. Oui. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Oui. Et son époux s'est préparé. Ah, voilà, c'est bon. Donc nous voyons effectivement que c'est l'accomplissement de tout ce que la Bible n'a jamais parlé comme signe du mariage. Et ici, la Bible nous déclare clairement que les noces de l'agneau, nous savons de qui il est question. Donc si les choses sont dites en prophétie, ici c'est la réalité de la manifestation. Ici il dit que les noces de l'agneau sont venues, il n'a pas dit que ses épouses sont préparées. Or pourtant nous voyons effectivement dans Matthieu chapitre 25, on voit qu'il y avait plusieurs vierges. Maintenant, je vais finir avant de revenir avec ces vierges-là. Il dit, et son épouse s'est préparée. Et il dit, il lui a été donné, il leur a été donné. Il lui a été donné de se revêtir des fins leur éclatant purs. Les fins leur éclatant purs sont les œuvres justes des saints, cette fois-ci. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a une seule épouse. Et Éphésiens chapitre 5 le dit. J'arrive. Il a eu seule épouse, malgré tout ce genre. J'arrive. J'arrive. D'accord? Maintenant, donc parmi tous les croyants de toutes les époques, c'est nous qui sommes sur la terre, nous ne sommes pas les seuls croyants. Allô? Il y a des gens qui sont endormis au courant des siècles, oui, depuis les premiers chrétiens, qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus. Quand ils vont venir, c'est tout ce groupe-là de nous de nouveau, qui sont remplis de son esprit, ce sont eux-là qui constituent l'épouse du Seigneur. C'est eux dont il est question. Alors, c'est pas, Christ n'a pas plusieurs églises sur la terre au sens du monde que vous avez dit qu'il y a l'église de Pentecôte, de Côte d'Ivoire, il y a l'église de ceci. Jésus n'a pas plusieurs épouses sur la terre, il a une seule épouse. Parce que cette épouse-là, c'est son corps. Et le corps n'est pas plusieurs, le corps est un seul. Le corps est un seul, mais c'est par exemple de plusieurs membres. Donc, et c'est ce membre-là, dans sa globalité, que forme l'épouse du Christ. Amen. Christ n'a pas plusieurs épouses. Donc la polygamie, dans le sens spirituel, n'a pas de place dans le corps de Christ. Parce que le mariage typifie justement ce mariage-là. Alors maintenant, si vous voulez prendre n'importe quoi, Éphésiens chapitre 5 dit clairement, en mettant en relation, comme vous voulez fuir ces choses-là, en mettant en relation la parole, l'homme quittera son père et sa mère, sa terre, à sa femme, et Dieu devenant un. Il dit que je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Bien. C'est ce qu'il dit là-bas. Et il a dit que c'est un mystère. Je dis, ce mystère est grand. Oui. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Exactement, c'est ce qu'il en est. C'est ce que ça nécessite. C'est ce que je vais te faire comprendre. Oh, non, j'ai pas encore fini. L'église. Attends. Christ. Oui. Avec ces plusieurs églises-là. Non. Avec ces plusieurs croyants. Attends. Non. Avec plusieurs croyants. Oui. Ces croyants sont. Ces croyants-là. Oui. Chacun est fiancé à Christ. Oui. Donc Christ est polygame. Mais, non, oui, c'est pas comme ça. Laisse-moi. C'est pas comme ça. La Bible déclare que chaque croyant est membre du corps. Il n'y a qu'un seul corps. Et ce corps-là est avec le corps de Christ. Si tu es le pied, l'autre est la main. Si c'est les individus. Aussi, c'est des individus formés dans un bloc entièrement forment le corps de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit Je vous ai fiancé à Christ. Comment? Comme vierge pure. Comme quoi? Vierge pure. Comme l'église. Non, mais là. Non. Laisse-moi aller. Ok. C'est 2 Corinthiens chapitre 11. Oui. Car je suis jaloux de vous. Oui. D'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Pour vous présenter à Christ comme vierge pure. Non, le livre, c'est pas lui. Il y a une. C'est une seule. Attends, lui, c'est qui, mon frère? Dis. Non, frère. Non, lui, d'abord, pourquoi pas les jaloux? Pourquoi pas les jaloux? Non, laisse la discussion la jalousie. Non, la jalousie. Il est jaloux parce que. Il voulait aller dans ce verset ici parce qu'il pensait que c'était des vierges. Non, frère. Soyons honnêtes. Le verset parle, il dit je. Non, il sait. Je vous ai dit le verset, c'est tout ici. Il a ça, une vierge jaloux de là-bas. Vous, oui. D'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Comme. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous avez vu, n'est-ce pas? La Bible passe contredit. Veuillez vous asseoir. Enfin, il a pris ce verset parce que Dieu devait être pluriel. Il ne peut pas avoir de plusieurs vierges pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule vierge. Chaque individu. Pourquoi faire les jaloux? Non, c'est pas le problème de jalousie. C'est pas le problème. Il est jaloux ici parce que des faux apôtres viennent donner un autre enseignement pour les soustraire de la voie. Même la phrase qui vient d'être lue, c'est clair. La phrase est claire, hein. Oui. La phrase est claire. Comment? C'est comme... Non. Faut pas vous voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fiancés. Oui. Mais comme Paul les présente, je vous présente à Christ comme une vierge. C'est-à-dire que quand le terme comme qui est là, oui. Prenez ça, littéralement. Non, non, il faut avoir la Bible devant qu'on ne dit pas ce que la Bible n'a pas dit. Littéral... Non, non, il dit oui. Je vous. Oui. Il s'adresse aux chrétiens, à tous les chrétiens. Voilà. Tous les chrétiens. Je vous ai fiancé à Christ. Oui. Paul, oui. Ça dit, Christ, avec tous les chrétiens oui. que nous sommes, oui. nous considérons comme une vierge. Écoutez ça attentivement, je vais lui poser une question. Est-ce que maintenant, toi, non, attends. Non, frère, je te pose une question. Oui. Est-ce que toi, tu es l'épouse du Christ? Toi. Non, je ne suis pas l'épouse de Christ. Aha. Mais tu es, lorsque par moi, suis attentivement. Je prends non. 10 femmes, non. ces 10 femmes, peut-être toi tu le vois. Dans ta tête, oui. 10 femmes. Mais ces 10 femmes représentent une seule épouse pour moi. Non, c'est comme ça. Donc toi, tu vois ça dans ta tête ou bien où, dans la réalité? Dans le spirituel, une seule épouse. Attends, pour moi. Attends, vous mariez plus spirituel, vous mariez physiquement. Que David avait 500 femmes. Oui. Mais ces 500 représentaient ouais. l'épouse de David. Non, ce sont les épouses de David, mon frère. Vous ne parlez pas comme ça là. L'épouse de David. Non. Parce que David est fait. Non, tu ne peux pas montrer ça dans la Bible. Tu ne peux pas montrer. Vous voyez les conjectures de la Bible. Frère Junior. Oui, mon frère. Est-ce qu'un chrétien. Je dis. Écoute. Bossombrou. Frère Julien. Oui, Junior. Oui. Est-ce qu'un chrétien est une église? Non. Un chrétien n'est pas une église. N'est pas une église. Quand on parle d'église, on parle du pluriel. Oui, absolument. De plusieurs croyants. Oui. Dans l'unanimité qui forme l'église. Absolument. Je vous ai fiancé. Oui. Pluriel. Oui. Pour vous présenter à Christ. Oui. Comme une vierge. Absolument. Donc c'est la totalité qui forme donc la femme. L'église. C'est la totalité des croyants en Christ qui forme la femme de Christ. Pas un... Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans les prophéties bibliques. Dans les femmes que je prends là, j'ai une seule épouse. Dans les épouse. Non. À la personne. Et les autres dons sont dans quoi donc hein? Les autres dons sont quoi s'il y a une épouse. Une femme présente une épouse. Mais quand, de façon individuelle, chaque femme est quoi? Ma femme. Non, nous sommes en train de parler de la vision charnelle ici. Le mariage est charnel, n'est pas spirituel. Ce que je sens de vouloir dire, c'est ceci. Mais nous sommes unis en esprit. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes unis en esprit. Même tout le corps, malgré nous sommes nombreux, nous sommes un seul corps. Alors, voilà. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. C'est qu'en réalité, un individu ne constitue pas l'époux de Christ. Un individu ne constitue pas l'église. Donc, spirituellement, comme on est en train de parler ici dans cet Éphésiens chapitre 5, où il met la relation entre le mariage, l'homme et la femme. Christ et l'Église, cet homme-là représente Christ et la femme est représentée par l'Église. Donc un individu peut prendre 5 femmes en disant que chaque femme représente une Église, parce que ça n'a pas de sens. C'est toute la totalité des croyants qui forment la seule Église de Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc d'où venez-vous dans le corps de Christ, donc avec la polygamie? D'où? En Côte d'Ivoire, il y a des églises. En Côte d'Ivoire? Oui, il y a des choses. Au Cameroun, il y a des églises. Regardez. Mais ces églises. Non, suivez-moi quand tu veux. Jusque là, il y a un problème. Non, jusque là, il y a un problème. Toutes les églises de la Côte d'Ivoire ne constituent pas l'épouse de Christ. L'épouse de Christ est universelle. Oui, c'est ça, il dit. C'est quoi ça veut faire? Vous allez parler de l'église régionale. Une église régionale est un membre encore de l'extension du corps de Christ. Ce n'est pas le corps de Christ là-bas. Voilà. Donc, c'est l'église universelle du Seigneur. C'est le croyant dans tout le monde entier. Que constituer dans cette épouse-là. Et pas seulement ceux qui sont vivants, mais ceux qui se sont endormis au courant des siècles depuis les premiers croyants. Jusqu'à ce que le Seigneur Christ vienne rassembler l'église, c'est tous ceux-là qui forment le corps de Christ. Donc le corps de Christ n'est pas celle qui est visible seulement. Le corps de Christ, c'est depuis le premier croyant jusqu'au dernier pour entrer dans l'enlèvement. C'est ça qui forme l'épouse au singulier. C'est un avec plusieurs. Plus de quoi? Plus de croyants. Mais plus de... Exactement comme vous, si vous êtes un, vous avez voici un membre, un autre membre, et c'est vous là-bas. Oui. Et donc, si on étudie ce syllogisme, cet exemple-là. Ton pièce ne constitue pas toi-même. C'est pourquoi il dit. Il faut. Oui. Quand il y a au moins 10 femmes. Alors, si, non, pas 10 femmes, regardez bien. Non. Regardez, frère, soyons sérieux. Frère, soyons sérieux avec la Bible. Frère, soyons sérieux avec la Bible. Éphésiens chapitre 5 dit clairement homme. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Dans ce syllogisme-là, il applique l'homme à Jésus, la femme à l'épouse qui est Christ. Il n'a pas dit que. Il a dit une seule femme comme ça qui est ma femme. Il veut dire là que représente toute l'église du Seigneur. Il n'a pas dit que toutes mes femmes à la maison vont représenter chaque membre du corps de l'église. C'est pas ce qu'il dit. C'est un homme, une femme qui représente le mystère, ce mystère-là entre Christ et l'église. Donc, sur ce, chaque membre du corps ne consiste pas en lui-même, de façon intrinsèque, l'épouse du Seigneur. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis l'épouse de Christ. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis l'église. Parce que 1 Corinthiens 12 nous dit que chacun de nous forme le membre, est un membre. Et que nous tous ensemble formons le corps. Donc, si vous prenez 10 femmes, chacune des 10 femmes typifie l'église. Ce n'est pas toutes les 10 femmes réunies qui forment l'église pour Christ. C'est une femme, un homme qui représente l'église et le Seigneur Jésus. Donc, c'est maintenant, frère, comment tu expliques que Branham prêche ça? Qui prêche quoi? Comment? La polygamie. Tu veux payer les dîmes? Toi, tu payes les dîmes, frère? Non, non, non. Il a prêché sur les dîmes. Pourquoi tu ne payes pas? Voilà. Il dit, je pose la question simple. Tu payes les dîmes? Réponds, frère, n'aie pas peur. Pourquoi? Ah, mais moi je trouve que je ne peux pas payer la dîme. Pourquoi? Non, j'ai mes raisons. Non, non, dis-nous. Pour que je te donne aussi les raisons. Nous sommes sacrificateurs. Nous sommes. Alors, Branham, pourquoi Branham n'a-t-il pas su que nous tous sommes sacrificateurs? Voilà. Mais il y a la prochaine dîme. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? C'est pour vous dire ceci. C'est que dans vos histoires que vous appelez Branham là, n'a-t-il pas dit qu'après ce message, il ne formerait pas de dénomination? Et a-t-il dit oui ou non que ce message ne formerait pas de dénomination? Il a dit ça. Il a dit ça oui ou non? Il a dit ça. Combien de dénominations sont issues du branhamisme? Plein même. Donc faisons attention. Il y a des choses qu'il ne me peut pas permettre encore de parler sur cette terre. Amen. D'accord, frère? Donc je prends seulement le cadre des dîmes pour vous montrer parce qu'il savait que tu ne payais pas. Et je savais que tu crois, c'était une chose de Branham. Vous voyez cela? Comment tu as su qu'il ne payait pas? Non, mais je vous ai dit tout à l'heure aujourd'hui qu'il connaît chacun de vous. J'avance avec vous tout à l'heure. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. La lumière va croissant jusqu'au grand jour. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie, aujourd'hui qu'on en partie, le moment viendra, on connaît ça de façon parfaite. Ce message-là qu'on a de prêcher sur la terre en disant que c'est ça qui va amener l'épouse, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'accord, frère? C'est pas comme ça. L'épouse n'est pas prête tant que le Saint-Esprit n'est pas scellé sur le croyant. Pourquoi? Et vous êtes nombreux ici, vous taxez à voir le message, disant cela, ayant la connaissance à le Saint-Esprit. Vous ne partirez pas dans l'enlèvement s'il vient. Je vais aller avec ça demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais accentuer là-dessus. Donc croyez au message de Branham. Croyez le message, retenez ce qui est là. Prêchez ça à haute voix. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne partirez pas dans l'enlèvement. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Amen, amen. Voilà. Amen. Ouais, le frère qui était là-bas pour qu'il sache le message qu'il prêche. Que Dieu vous bénisse.